Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires copines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission, car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Mais quel bonheur d'être là les amis, bienvenue ensemble, on est ensemble sur NRJ. Hey, le vendredi ça se voit, mais ils sont en train de mettre leur casque, mais c'est un truc de ouf. Oh là là les gars. Hey, c'est pas parce que c'est vendredi qu'ils vont reposer sur ses lauriers, hein. C'est quoi cette jeunesse là? Bah, c'est pas toi, c'est nous. Ouais, bah, je me repose sur mes lauriers, moi. Du lundi au jeudi, puis vendredi t'es au taquet, on sait pas pourquoi. Putain, c'est incroyable, j'étais encore occupé à faire mes préparations d'extravagance pour tout à l'heure, là, de minuit jusqu'à 1h. Mais c'est pour ça que la radio, les vendredis tu viens au taquet. Tous les jours je suis là au taquet, vous avez cru quoi? Non mais vous connaissez pas ma vie, vous savez pas tout ce qu'il y a à faire, vous connaissez pas mon rôle de père et tout là, deux enfants dans 7 mois là. Oh là là. Waouh. Ouais, ce matin, c'est qui a changé les couches? Eh ben c'est moi. C'est qui s'est ramassé le vomi dans la gueule parce que je faisais l'avion avec mon petit? Eh ben c'est moi. Ah, et c'est qui à un moment donné quand j'ai tout nettoyé, que tout allait bien, que j'ai laissé le petit, que le petit pour la première fois a marché aujourd'hui, mesdames et messieurs? Si à 7 mois. Alors là, j'y croyais pas mes yeux. À 7 mois, il s'est mis à marcher, il s'est mis debout, il a fait un pas, deux pas et puis bam, il est tombé avec la tête la première. Hein. Ah oui. Phénoménal. Non mais c'est qui doit encaisser tout ça? Je me repose sur mes lauriers, hein? Je baille aux corneilles. Mais non mais on attendait le parce qu'on vient de loin. Ouais quoi? On attendait le Vince est dans la maison, c'est ça qu'on a rien vu. Vince est dans la maison. On a Energy, voilà. Et pour vous dire à quel point mon rôle continue, si vous avez entendu un vieux bruit de quelqu'un qui soulève quelqu'un, c'est parce que c'est genre la galère. C'est parce qu'il y a ma fille qui est là. Salut ma chérie, ça va? Salut. Tu vas bien? Tu dis bonjour à toute la Belgique? Bonjour. Et, c'est quoi ce qu'on dit dans l'émission? Vince est dans la maison. Waouh. Eh oui. Eh ben c'est incroyable ça. Bon ma chérie, ce soir tu vas pas trop écouter l'émission non plus parce qu'on dit des bêtises, hein, tu sais. Hein. Ok. Voilà, c'est gentil. Je te fais un bisou. Fais-moi un bisou. Mouah. Allez, vas-y, va jouer dans les couloirs et va emmerder tout le monde. Ça fait plaisir. Bon, ouais, c'est vendredi les amis. Vendredi, bon, ma petite elle peut se coucher tard. Elle m'accompagne toujours ici à Énergie. Mais elle n'est pas encore co-animatrice parce que sinon ce serait du travail forcé et je risquerais d'avoir des problèmes. Bien entendu, vous avez entendu d'ailleurs cette histoire là que maintenant il y a des attaques en justice sur les parents qui utilisent leurs enfants pour YouTube. Ah ouais. Ah des grosses histoires, hein. Il y a des chaînes qui font des millions d'abonnés et des millions de vues, et ben ils estiment que c'est considéré comme un travail pour l'enfant, et donc du coup l'enfant en fait en justice, c'est comme si tout ce que tu gagnes de YouTube doit normalement aller en partie sur un compte bloqué pour l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Exactement, et comme ça explose de plus en plus, hein, des parents qui font des vidéos avec leurs enfants, dont c'est les enfants qui attirent les vues, tu vois, parce que c'est chouette, etc. Et d'ailleurs c'est drôle parce que il y a ma fille qui a regardé une vidéo avec des enfants en famille et tout, et elle m'a dit papa on fait des vidéos YouTube, je l'ai regardé, je fais non. Non, n'en est pas question. Mais papa, tu peux gagner 1 million d'euros. Oui, ouais. Oui. Faisons ça tout de suite, hein. Achetons le matériel. Bonsoir donc Lara, comment ça s'est passé ta journée Lara? Mais très bien, écoute, vendredi, mon jour préf. Ouais, vendredi tout est bien permis. Sûr. Oh yeah. Bon, c'est pas Arthur qui l'a inventé, hein. Nigel de Tug, il est là. Ouais. Ça va Nigel? Ouais, ça va très bien, ouais, vendredi, hein, comme d'habitude. Tranquillou. Et puis de l'autre côté, nous avons Thibaut qui est là. Salut Thibaut. Salut Vin, salut Nathalie. Et ta vie, il a comment dire? I feel brigadier. C'est pas trop ça, mais bon. Comment ça va si t'as fait ah? Ouais, vite fait. T'as fait ah, salut la team, donc t'as voulu dire Comment ça va Thibaut? Ah super. Et t'es arrivé tard aujourd'hui, on s'est tous demandé si t'étais pas au café. Non, là. J'étais coincé en fait dans les bouchons à l'avenue Louise. C'était dingue, c'était hein. Le bordel. Les bouchons, c'était ouf, hein. Et attention parce que demain, les amis, des gilets jaunes un petit peu partout. C'est vrai. Et annulez vos vacances à Paris en France, hein. Vraiment, c'est mon conseil, n'y allez pas. Ah, maman t'a dit. Oh oui, vite, vite, on sait jamais ce qu'il peut trouver sur les voies. Donc voilà, Lara qui râle. Pourquoi Lara, tu voulais partir, toi? Non, mais les blocages, moi, ça me bloque. T'aimes pas? Bon, écoute, la constipation, parfois, ça peut arriver. Hein. Imodium lingual. Voilà. Et puis, nous avons. Imodium, c'est pas l'inverse, Imodium. Je sais pas. C'est pas quand on a des fuites et je tout. Je sais pas, je prends jamais ce genre de médicaments. Ah, il faut un laxatif, en fait. Ah, du coup, c'est Dulcolax. Un truc dans le genre, voilà. Tout ceci n'est bien sûr pas de la pub. Et puis, nous avons Eddy qui est là. Ah, le gilet jaune préféré de vos gilets jaunes préférés. Comment ça va? Bah tiens, justement, en parlant de ça, gilet jaune. Et... gilet jaune. Tout ça, vas-y. Hey, gilet jaune. Oh, mais je dois faire les bruits ou alors chanter? Mais non, non, tu dois tout faire, t'es ouf ou quoi? T'es prêt? Gilet jaune. Quoi, cou, quoi, quoi? Gilet jaune. Gilet jaune. Rakataka. Dans ces petits. Gilet jaune. Putain, n'importe quoi. Allez, bienvenue sur Énergie les amis. Ce soir, grosse émission. J'ai pas encore le WhatsApp qui est disponible, c'est normal, puisque j'ai laissé le téléphone sur mon bureau. Il est même pas dans ta sacoche. Il est pas dans ma sacoche, t'es sérieux? Donc ouais, je l'ai paumé. Ah ma ouais. Sacoche. Ah, j'ai dû le laisser dans la voiture. Oh, ah non. Ouais. J'ai laissé le numéro WhatsApp dans le téléphone WhatsApp dans la voiture. Donc du coup, j'ai pas WhatsApp, les amis. Ah merde. Bah c'est pas grave, je vais aller le chercher, y a pas de problème. En attendant, bah, vos dédicaces sur mon Instagram, hein, Vince Radio, VNZ Radio. Avant de faire le topo de l'émission, là, je vous rappelle qu'on a, y a eu un dilemme. Le dilemme Lara Nigel. Lara, victoire 67% contre Nigel 33%. Yes. C'est purement subjectif, bien entendu. Et j'avais publié un autre dilemme. Un dilemme entre Thibaut et Eddy. Lequel des deux est alcoolique selon vous? Question qui était posée comme ça sur l'Instagram. Alors je voudrais une estimation des scores. Lara, tu penses quoi, toi? Entre Thibaut et Eddy? Je pense que Eddy a dû avoir 29%, un truc comme ça, ou 23%. Ouais. Dans la vingtaine et l'autre à 80. L'autre à 80. Et toi, Nigel, tu dis quoi? Bah, franchement, ouais. Tu sais que ça a peut-être des propos un peu racistes. Pourquoi? Mais genre, tu vois, Eddy, il a la couleur d'un alcool. Mais quoi, il a la couleur de l'alcool? Du coup, non, mais. Quand on dirait une bière brune ou quoi? Non, mais en fait, il y a des mecs, parfois, quand ils boivent, ils ont une couleur de peau semblable à l'alcool. Une sorte de teinte comme ça. Ouais, mais c'est parce qu'il dort pas assez. Ouais, et ben du coup, je pense qu'il y a plus de votes pour Thibaut, mais alors, genre, de très peu. Entre Thibaut, qu'est-ce qui se passe, Thibaut? T'as l'air désabusé, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais j'ai regardé le résultat et franchement, je suis un peu étonné. Bah, moi aussi, je suis très étonné. Parce que le résultat, et c'est magique, parce qu'il y a eu 3000 votes. 3000 50-50. Oh, il y a eu 50-50 entre Thibaut et Eddy au niveau des votes. C'est trop drôle. Comme quoi les préjugés. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Et alors qu'Eddy, il boit même pas une goutte d'alcool. C'est vrai, ça. C'est dingue quand c'est même. C'est lui l'alcool. Hein. Et puis derrière, de regarder la photo avec Lara qui nous fait un photo bombe Joule. Voilà. Moi, j'ai fait un photo bombe magnifique. Je suis vraiment déçu parce de que moi je bois une crique, je suis bourré. Hein. Bah ouais. Donc du coup, bah, je ressemble un peu à Thibaut au niveau de l'alcool. Donc, tu sais que pour l'instant, il y a un vote de plus pour toi, Eddy. Un vote de plus. Et ça fait quand même 50-50. Genre, il y a 1500 et un vote pour Eddy. Et il y en a 1000. De l'autre côté, il y en a 1499. Voilà. What? C'est deux votes de plus. Ouais, deux votes de plus. Pardon, deux votes de plus. C'est étonnant quand même. Mais bon, visiblement, dans le truc, ça donne un 50-50. Sinon, on n'a pas de virgule, on n'a pas de décimale. Hein. Ah ouais. Donc voilà, tranquillou, quoi. On va se faire des petits délires encore ce soir dans l'émission. Les amis, on a Zenrina qui nous rejoint ce soir dans l'émission. Ouais, il nous rejoint, ouais. Ah, très bien. On va travailler sur vos complexes. Si jamais vous avez des complexes, des trucs que vous n'avez pas à surmonter, un complexe physique, un complexe, je sais pas, simplement d'infériorité, vous avez l'impression d'être inférieur aux autres alors que, voilà, pas forcément. Eh ben, il va travailler là-dessus. Vous expliquer d'où ça vient, en tout cas essayer de tenter de trouver des solutions pratiques pour vous les amis. Et attention parce que Vince, le WhatsApp, qu'est-ce que t'attends? C'est ce qu'on m'a envoyé au 3018. Laissez-moi le temps les amis. En attendant, on fait sur Instagram, il y a Mathias qui est connecté sur l'Instagram en message privé, hein. Donc Vince Radio, VINZRADIO, et j'ai le plaisir d'avoir Florent à l'antenne. Salut Florent. Allô Florent, est-ce que tu me reçois? Il va falloir que je clique pour avoir Florent. Ah super, j'ai Florent. Salut Florent. Ouais, ça va. Yo, Florent est dans la maison. Ouais, je voulais dire, Nigel n'est pas dans la maison. Nigel, dit quoi? Il n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans la maison. Oui, non, mais ça, le pauvre. Allez, top, tu sors du standard. Non, laisse-le. Mais non, ramène-le, toi aussi. Depuis quand tu décides? Florent, tu viens d'où, mon pote? Bah, t'es tourné. Ah, tourné, là. Ah, t'as tourné comme papa. Voilà qui fait plaisir, tourner dans le feed. Florent, la journée s'est bien passée, t'as examen ou pas, toi? Ouais, lundi, je commence les examens. Lundi, tu commences les examens, tu vas commencer avec quoi en premier, là? En maths. Ouh, les mathématiques. Mais c'est bien de commencer avec ça. J'ai remarqué, dans la plupart des écoles, on commence avec maths. Mais après le week-end, en général. Tu veux dire quoi, Florent? Ouais, je vais tricher. C'était hier. Ah bah non! Oh putain! C'est là qu'on ressent le malaise, tu vois. Mais non. Bon, aujourd'hui avec la team, on était dans une autre école, hein, faire un petit coucou, collège Pidis, c'est tout ça là. Je leur fais un bisou et tout. Et je suis sûr qu'il y a la direction qui est en train de nous écouter, tu vois. Alors boum, il y a le petit qui passe à l'antenne, Florent. Ouais, lundi j'ai examen, je vais tricher, je m'en bats des couilles, j'ai écouté l'émission d'hier. T'as deux jours pour étudier. Alors hier dans l'émission, on a donné les meilleures techniques de triche, hein, je tiens à le préciser. Et du coup, t'es dans quelle école, Florent? Ouais, moi je suis à Saint-André-Ramichat. Eh ben merci, voilà. Hey, comme t'as fait le malin, je vais prévenir tes professeurs. Allez, salut. C'est pas cool. Bah non, il y a présomption d'innocence, il a pas encore fait, on veut pas le juger coupable. Non, mais maintenant il va stresser, il va étudier. Ah ouais, c'est ça. Non, je vais étudier, bien sûr. T'as quel âge, Florent? T'es en quelle année? Je suis en 3ème. T'es en 3ème, donc tu vois quoi là? Ouais, c'est ça, cosinus, sinus, tangente et tout là. Comment? Tu vois la trigonométrie ou ça a changé? Non, là, on a vu Pythagore, c'est en deuxième, ça. Pythagore, c'est en troisième, Pythagore. C'est en troisième. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais du coup, mais t'inquiète, l'année prochaine, pour ça. L'année prochaine, il va revoir la même chose, vu qu'il va tout. Non, après, arrête, c'est les vecteurs. Ouais, putain, et après, les statistiques, oh là là, je suis tombé, je suis déjà perdu d'avance. Les fonctions et puis les intégrales. Florent, mon pote, bon courage. Bon, si tu triches, tu vas le faire prendre, respect, mais tu sais bien que c'est pas la meilleure des techniques, hein. Ouais, t'inquiète pas. Vaut mieux étudier, quoi. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que tes patrons écoutent Énergie là maintenant ou pas? Là en ce moment, peut-être, c'est possible. J'ai pas de, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que je voudrais leur faire un gros prank. Tu voudrais faire une blague à mes patrons? Et c'est quoi que tu veux faire comme blague à mes patrons d'abord? Vous savez la musique que vous mettez toujours, j'ai les jaunes. Ouais, donc celle-ci là. Gilet jaune, moi gilet jaune, gilet jaune. Ah, c'est bon. Pour danser petit. Et, alors, et tu veux quoi avec cette chanson? Et faire genre que je suis la police et enfin en prenant une plus grosse voix comme ça, genre. Attends. Okay, merci. Non, mais t'inquiète, Florent, mais il faut laisser le temps à ta voix de muer. Parce qu'en fait, quand tu prends une grosse voix comme ça, ça change pas des masses, en fait, encore. Et c'est vrai que si t'appelles avec ta voix normale, bonjour, c'est la police, à moins de se faire passer pour une agent, peut-être. Une femme. Voilà, peut-être une femme, vite fait, parce que sa voix a pas encore mué. Floriane. Voilà, peut-être. Dis bonjour, je m'appelle Floriane. Bonjour, je m'appelle Floriane. Mais ça marche. Mais franchement, mais de ouf. Mais très bien. Eh, ça marche que pour vos oreilles à vous. Il faut y croire. Je voudrais faire genre que gilet violet. Non, mais attends, mais pourquoi mes patrons? Je veux dire, mes patrons, c'est des gens de radio. Ils vont savoir qu'il y a une blague. C'est des requins. C'est ça. Parce que je sais pas qui d'autre faire et c'est vous qui passez les gilets jaunes. Alors. Et pourquoi on fait pas une blague à tes parents? Ouais. Parce que mes parents sont couchés. Mais attends, là maintenant ils sont couchés, mais est-ce que lundi on veut pas les appeler en nous faisant passer pour des gilets jaunes en disant que tout pas de fait. Bol, on va malheureusement devoir fermer l'accès à leur maison et tout ça parce qu'on fait une manifestation devant chez eux? Non, parce que on est dans une ferme et bah justement ils habitent juste leur bureau c'est juste en fait de chez nous. Alors, c'est très bien, bah justement on va fermer toute la rue, ils pourront pas traverser, c'est non, pas possible. Alors on dit qu'on l'a capté en train de détériorer du matériel urbain. On dit qu'on l'a vu dans les gilets jaunes, voilà, tu vois. Ouais. Non, je peux pas sortir alors, c'est pas possible. Bah, putain, mais tu peux pas sortir, mais t'es enfermé ou quoi? Ouais, je suis enfermée. Arrête, t'es sérieux? Comment ça se fait? Tu peux pas aller avec tes potes dans le village? Ma mère, elle est trop... Elle est quoi, narco-trafiquant? J'ai pas compris. Non, elle est trop mère-poule. Elle est mère-poule? Ah ouais, non, mais alors là, c'est mère-loup même. C'est un poussin. Et attends, mais tu vis dans quelle ville encore, tu m'as dit, Florent? À Tournai même ou en périphérie, genre Barry, tout ça? Non, je suis à Orc. Ah ouais, à Orc, d'accord. Ok. Bah écoute, on pourrait faire un petit truc avec ta mère, on va voir. Mais. Laisse-nous cogiter le week-end. Vous savez pas appeler quelqu'un d'autre, genre dans le. Mais putain, mais au pire, t'en as pas marre de proposer des concepts de merde. Non. Bon. Eh, mais j'adore parce que. J'adore, le mec, il veut pranker à vie, mais tu vois, c'est sa life, c'est pranker. Quand il se lève le matin, il se dit, faut que je fasse un prank, faut que je. Non, je jure, j'ai travaillé 2 semaines dessus. Mais 2 semaines, t'as travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur comment faire ce prank. Bah alors, franchement, lundi, dans l'émission, on va te laisser faire le prank à nos patrons. On va te laisser faire. Je ne pense pas. Regarde, Nigel me regarde, mais tu vas vraiment faire ça? Est-ce que t'as envie qu'on fasse un suicide en direct ou quoi, Vince? Mais c'est même pas un suicide en direct. Tous les gens qui nous écoutent et qui nous aiment, ils vont être obligés de partir. Mais non, pas forcément. Est-ce qu'ils soutiennent ou pas? On va leur demander. Dites-nous si vous soutenez ou pas. On va checker le WhatsApp après. Je n'ai pas encore le téléphone WhatsApp. Mais comme ma mère, c'est une grosse mère poule, elle prend mon téléphone dans sa chambre alors. D'accord, elle prend carrément le téléphone. Mais en fait, lui, il veut faire quoi, frère? Bah, ouais, c'est difficile de faire un prank s'il y a ta mère qui est en train d'écouter. Elle le laisse allumer le téléphone? Non, là, le.

04 92 222 002. Allez, bienvenue à vous sur Énergie. Vince, c'est dans la maison. All right. Bon, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Il est 21h20. J'ai récupéré le téléphone. Ça y est. Je suis configuré. Tout est relancé. Et j'adore parce que j'ai découvert un message avec le téléphone pendant que j'étais en train de me diriger, vers, vers l'Énergie, là, puisque j'étais sorti dans la voiture, là, récupérer le téléphone et tout. Et attends, parce qu'il y a un son qui tourne à l'arrière. Mais c'est qui met toujours un autre son là dans son ordinateur là? Oh. C'est lequel? Ah non, mais ok, j'ai compris. Il y a la machine qui permet de se réécouter qui est lancée en fait. Donc il y a l'animateur qui était là avant et qui se réécoutait pendant son émission. On se demande bien qui c'est. Un bisou Flo. Donc j'ai reçu un message d'une personne qui nous a jamais envoyé de message. Et voilà, le premier message. Vince, fais jamais ça. C'est vraiment la merde. Voilà, c'était concernant notre pauvre Florent là qui voulait passer faire son, qu'on appelle ça encore, son prank et tout. Et alors du coup, moi je retrouve le téléphone et je lui dis Moi j'ai récupéré le téléphone. Merci pour ton message, bienvenue à toi. Voilà, tu sais, j'étais en train d'envoyer des messages à tout le monde. Ah, c'est drôle. En mode, c'est bon, j'ai récupéré le téléphone et tout. Il y a Marco également qui est connecté là. Salut Marco, comment ça va? Bien sur la maison, sur l'énergie. Il est 21h21 les amis. Ouais. Le genre d'or qu'on a, que Lara aime bien là. Bonjour Giuseppe. La team de la part de Giuseppe. Oula Giuseppe, on t'entend pas bien là. Je crois qu'il y a plus ta voiture qui est en train de prendre le pas sur ta voix là. Et on est dans la maison. Ah Vin, c'est ce que je pourrais te demander, si tu serais passé une fois le 93 Empire avec Fianso et le Supreme NTM. C'est un putain ah ouais. Pour même toi, tu vas kiffer même Nigel. Nigel pour les affinités. Nigel, ouais. Je vais essayer de te passer ça, on va voir mon pote. Tout à l'heure dans Extravadance, pourquoi pas, là, ça peut être cool. Céline Vin, c'est mon anniversaire, 18 ans aujourd'hui. Encore une année passée. Si vous êtes nés en décembre, les amis. Genre, s'il y en a qui sont nés le 24 ou le 25 décembre, ce serait trop cool. Pas double cadeau en fait. Joyeux anniversaire. Que c'est tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Coucou à Magali également qui est dans la maison ce soir là et qui nous a envoyé un sympathique message. Anil aussi. Anil est dans la maison. On a l'énergie. Il y a Lubna aussi là. Bonsoir la famille. Je vous écoute en étudiant mes examens. J'ai physique, chimie et maths à la première semaine. Oh mon dieu, tout ce qui prend la tête là. Il y a Mickaël qui est connecté aussi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Super Mickaël, merci à toi. Pika aussi est là. Salut Pika là. J'espère que ça se passe bien. Vince, vous n'avez pas dit quel cadeau j'allais recevoir pour finir après mon passage à la radio. T'inquiète pas, ils vont s'occuper de toi tout de suite au standard. Checkez Pika les gars. 6 Pika, c'est ça son blaze. Il y a Turadal également qui est connecté. Turadal elle est dans la maison. Je vous écoute tous les soirs. Merci. Il y a plein de nouveaux messages ce soir, des nouvelles personnes qui n'ont jamais envoyé de message et peut-être qui sont des anciens auditeurs qui sont là depuis le 27 août au moins puisqu'on a démarré cette émission le 27 août. Et bien soyez les bienvenus, je vous donne le numéro de téléphone, le WhatsApp, c'est le 0492 222 002. Allez, encore un coup Richard. 0492 222 002. Voilà, qu'est-ce qui se passe Lara, pourquoi t'as fait aïe? Je me suis pris ma boucle d'oreille dans... Je suis désolée, excusez-moi. C'est pas grave. Je me suis fait un peu mal. Je constate. Aïe. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ah tiens, il y a un petit message aussi d'une autre personne. Richard est dans la maison sur Énergie. Yeah, merci Richard, oh, c'est yeah cool. Giuseppe, est-ce qu'on l'entend mieux, Giuseppe? Bonsoir la team, est-ce que vous m'entendez maintenant? Un peu mieux. C'est Giuseppe dans la maison sur Énergie. Eh ben au top, il y a Sarah qui dit Vince, moi c'était mon année fière, même jour que la Saint-Nicolas. Ben Sarah, allez pour toi, vas-y. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année. Elle est pour toi, c'est là, Sarah. Hey, bon anniversaire! Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Ça fait du bien tout ça là. Vince, le vendredi, je vous écoute en famille avec les enfants de mon homme. Bah super, ça fait plaisir. Vince, c'est quoi au programme ce soir? Programme ce soir, les amis, on va voir Zenrila. Zenrila, c'est une personne qui travaille en. C'est un thérapeute hein, qui travaille dans tout ce qui est transformation de stress. Quel que soit votre stress, vous avez des soucis, vous sentez pas bien dans votre peau à cause d'un problème qui s'est passé avant ou récemment. Bah, il est là pour vous aider, pour vous donner en tout cas les clés pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que, ouais, quand on a des stress et des soucis comme ça, bah, on perd un peu le contrôle de sa life. Et je précise aussi, aujourd'hui, ça va être une spéciale basée sur tout ce qui est Nigel. Complexe, ouais. Les complexes. Donc, si maintenant vous vous sentez trop maigre, trop gros, genre vous avez l'impression d'avoir un défaut, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont full bouton d'acné comme j'ai pu avoir à un moment et qui ne sont pas bien par rapport à ça, et eh ben justement, on va en discuter parce que les complexes, On pense toujours que c'est le regard de l'autre, mais en fait non, c'est souvent notre propre regard à nous. Ouais, et c'est à l'intérieur. Ouais. Et on extrapole toujours. On se dit ouais, mais les autres pensent la même chose de moi. Tu vois, par exemple, avant j'étais complexé de mon nez et de mes cuisses. J'ai l'impression d'avoir des grosses cuisses et d'avoir. C'est quoi une cuisse? D'avoir un long nez. Et au final, quand je disais aux gens ouais putain j'ai trop un long nez, on regardait sur quoi? Mais non, mais pas du tout. Et en fait, c'est vraiment des trucs qu'on se met dans nous-mêmes dans notre tête. Hein. Et puis des meilleurs moments aussi ce soir. Qu'est-ce qu'on aura comme meilleur moment, Nigel? J'adore le mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce? De base, c'était prévu, tu vois. Ouais. Non, mais je les connais. En fait, on a plein de trucs. Le seul petit hic là, c'est que pour l'instant, il y a le PC qui bug. Ah, oh, c'est pas donc, les maîtres. Il veut pas rentrer dedans, mais sinon, ouais, il y a plein de choses. Il y a les bébés, j'ai déconné. Il y a le prank de l'extrême aussi qu'on a fait cette semaine. Il y a plein on de a trucs. On a eu des trucs de ouf là. Tout ça va passer ce soir. Vous inquiétez pas, on est là avec vous. Il y a Ludovic. Bonsoir Vince. Bonsoir toute l'équipe. Geoffrey est là aussi. José. Vince, c'est dans la maison sur une. Et Marthe, et Gary aussi est là. Morgane. Ah non, Gary, Morgane. Gary, Emily, est dans la maison. Oh, c'est trop cool ça, merci. Vin, je m'appelle Maxime. Vin, j'avais envoyé un message. Mes téléphones est mort maintenant. J'ai un A9, un mal pour un bien quoi. Bah t'inquiète, tant que tu peux nous envoyer des messages, c'est le plus important. Et, j'ai un message. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attends, les gars, je lis un message là. Qui est envoyé sur le WhatsApp, qui a pris toute mon attention. De qui ? Bonsoir, voilà ma requête, va peut-être paraître dingue, mais mon mari a disparu depuis hier soir en partant bosser, entre parenthèses Uber. Impossible de le joindre et personne ne sait où il est. Son dernier SMS était « Je suis avec un collègue, je n'ai absolument aucun numéro de ses collègues » et hier soir dans ton émission, il y a un Uber, entre parenthèses Zach, qui est passé à l'antenne pour le bébé, j'ai déconné. C'est un collègue à mon mari. Est-ce que tu aurais encore ses coordonnées ou est-ce possible de le joindre pour savoir s'il était en contact avec lui ou ce matin? J'ai appelé tous les hôpitaux et commissariats de Bruxelles et personne ne me dit rien. Écoute, on va t'appeler, on va appeler Zach. On va appeler Zach maintenant. Là, c'est peut-être le Zach en question. C'est incroyable. En tout cas, si c'est ça, concours de circonstances, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Ah, c'est flippant ça quand même. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Quand même, hein. Bah merci pour ton quand même hein. Le mec il a raté son message, c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire pour toi, merci pour ton message. C'est dans la maison. Bonsoir à toute l'équipe, bisous Nacera. Merci Nacera, c'est gentil. Allez, vas-y avec Camilla Cabello, ça s'appelle Beautiful. Et c'est tout de suite sur Énergie. Vince c'est dans la maison. Bienvenue à vous. Des chouettes moments là, vous avez kiffé pendant la semaine, des BG connaît tout ça. Et bah c'est ce qui va débarquer dans pas longtemps sur Énergie. Bienvenue. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're back with intimate and he got you faded. Saying you the one for me, I need to flash it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. So we just really had the thunder. Ain't nobody else that I'd be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. You know, you know. Yeah, baby, you are. Hey. to let you know. Swear to God, you're beautiful. Yeah. Tous les soirs. Vince est sur Énergie. Là, on est là, je suis là, tranquille, c'est vendredi les amis, vous êtes très nombreux sur le WhatsApp aussi, être connectés avec nous ce soir, comme tous les soirs, 0492 222 002, merci, n'oubliez pas de faire passer le mot là, il se passe des choses le soir sur Énergie, on est avec toute la team, il y a Lara, il y a Nigel, il y a Eddie, il y a Thibaut, il y a moi-même, et... Fred est dans la maison sur Énergie encore ce soir, comment ça va Vince et toute l'équipe? Mais ça va, on va bien mon pote, merci pour ton message. Bon, par contre, je vous ai dit qu'il y a quelques minutes là, avant le son de Basie avec Camila Cabello, là, il y avait... un message très interpellant qui est arrivé. Donc je vous le relis hein. Bonsoir, ma requête va paraître bizarre et dingue, mais mon mari a disparu depuis hier en partant bosser. Donc impossible de le joindre. Je ne sais pas où il est. Sur le dernier SMS, je suis avec un collègue. Et le collègue en question, c'est l'auditeur qui est passé hier à l'antenne faire un bébé gilet conné, qui est aussi le chauffeur Uber, pour ceux qui s'en souviennent, qui était connecté hier dans l'émission et qui a fait capéger sa copine. Donc, et donc du coup, bah, concours de circonstances, elle a eu l'info. Elle nous contacte en disant ouais, mais je sais que son collègue s'appelle Zach. Donc effectivement, c'est le Zach qui est passé chez nous. Incroyable. Et elle a contacté tout le monde, les hôpitaux, commissariat de Bruxelles, personne n'a, il y a pas d'info. Donc on va la prendre à l'antenne, on va appeler Zach en même temps pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. On en parle dans quelques instants parce que là voilà, peut-être Child Focus qui va falloir contacter. Hein. Child Focus aussi pour les adultes hein, parce que quand je dis ça, on me regarde genre quoi, mais non, c'est pour les enfants, non, c'est pour les disparitions en général hein. Okay. On arrive tout de suite sur Énergie, en tout cas, c'est chaud quoi. On arrive. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique, chaque samedi soir dès 21h. Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. Qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le dire. Tiago, il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. Allez, welcome sur Énergie. Effectivement, on est là pour vous aider, les amis. 21h35, j'espère que ça se passe. WhatsApp, hein, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, besoin d'un petit partage, besoin d'un petit peu de force par rapport à des projets que vous faites. On est là, bien sûr, pour vous aider aussi. On n'est pas là que pour se marrer le soir. Tout à l'heure, Zenrida va nous rejoindre pour essayer de travailler sur vos complexes. Si jamais vous êtes complexé, on a tous eu des complexes. Lara, t'as eu un complexe, toi hein? Oui. Oui, oui, bah, un peu comme tous les adolescents. Genre quoi? Moche, je sais pas. Un truc en particulier, genre, je sais pas, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes dents, tes oreilles. Moi, ça a toujours été genre mon poids. Mais le problème, c'est qu'en fait. C'est un complexe, quand oui. Quand je regarde maintenant mes photos de l'époque, ouais. Je me dis, mais putain, j'étais super mince. Oui, voilà. Comment ça se fait? Vraiment dans la tête, hein, c'est incroyable. Hein. Effectivement. Et les amis, on en parlera donc tout à l'heure, parce que là, d'abord, bah, l'heure est assez urgente. Hein. On a Julie qui est là dans le standard. Salut, Julie. Salut. Ah ok Julie, bon, j'imagine bien que t'es méga en stress et en PLS depuis ouais. Une histoire un peu bizarre. Donc tu m'as envoyé un SMS, un message sur le WhatsApp. Alors comment t'as su qu'on a eu un Zach à l'antenne qui a fait une blaguère à sa meuf, enfin qui est Uber aussi? En fait c'est justement, c'est mon mari qui m'avait dit oh, écoute Énergie, tu vas voir, il y a mon collègue qui va passer machin. Et du coup c'est comme ça, j'ai essayé de chercher un numéro où je pouvais contacter Énergie. Et en allant sur la page Facebook, j'ai vu le numéro WhatsApp. Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé. On ne sait jamais. Ok, bah écoute, tu as bien fait parce qu'on a réussi donc à rejoindre Zach qu'on a eu hier au téléphone. On a Zach qui est là. Salut Zach. Salut. Yo Zach, Zach est dans la maison. Alors bon les gars, Zach est dans la maison. Oui bon Zach, attends parce que on peut rigoler, mais là Julie ne trouve pas son mec là. Il y a un stress. Alors ou alors le mec a décidé de repartir au bled et il recommence tout à zéro. Ou alors il y a eu un problème. Zach, t'as plus d'infos toi? Non franchement, j'ai pas plus d'infos. J'ai essayé de le sonner aujourd'hui toute la journée, boîte à message. Je me suis dit peut-être qu'il est occupé ou quoi. Mais enfin, il était censé rentrer. À 6h du matin, il devait rentrer, ouais. Oh, vous vivez ensemble, Julie? Oui, on vit ensemble, on a un enfant, enfin, tout va bien. Donc... C'est son mari, hein? Ouais, ouais, oui, c'est son mari, bien sûr. Ouais. Ouais. Zach, il te paraissait bizarre quand tu l'as eu au téléphone hier, ou est-ce que tu l'as vu, tu l'as croisé peut-être? Non, parce qu'à la base, d'abord, il m'a appelé, puis il a eu un client, puis je l'ai rappelé moi, je lui ai dit, je vais passer sur Énergie et tout, si t'as la radio Énergie, mais. Puis il m'a dit ok et tout, puis il a reçu une course. De là, il m'a dit je vais chercher mon client, je suis arrivé, je te rappelle. Et depuis, j'ai pas de nouvelles, je l'ai rappelé aujourd'hui. Et c'est tout, je sais que je l'ai appelé aujourd'hui, que des boîtes à messages. Boîte vocale directement, tu vois. Ok. C'est pas que ça sonne ou quoi, c'est boîte vocale. Donc je me suis dit peut-être qu'il est occupé, ou même peut-être qu'il a pas taffé, il a pris congé, il est resté en famille ou quoi. Mais... Alors, disons, c'est vachement vivant. Il y a Lisan qui nous dit ça fait peur, mais il y a R qui nous dit il a une belle course sûrement, pourquoi elle ne contacte pas Uber? Est-ce qu'on peut contacter Uber, Zach, pour savoir quelle était la dernière personne qu'il a pris en charge? Parce que peut-être qu'on peut avoir plus d'infos à ce niveau-là, on ne sait jamais. Ouais, faire une prise en charge qui dure plus de 6 heures, faut pas décoller non plus, quoi. Non, mais attends, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut retracer son parcours de la veille, quoi. Attendez, vous étiez en même temps. Tu disais quoi, Julie, d'abord? J'ai dit, je sais que ce matin, parce qu'il travaille avec une autre personne, ils ont une voiture tous les deux, en fait. Oui. Et je sais qu'il y en a un qui fait. Donc mon mari fait le soir et son collègue fait la journée. Oui. Et donc je sais qu'il a déposé la voiture chez son collègue ce matin, mais il n'est pas rentré. Peut-être qu'il est fatigué et qu'il est dort chez son collègue, peut-être. Parce que son collègue est venu à 18h pour ramener la voiture, pour qu'il commence le travail. Et, ah merde! Ah ouais! Ok, donc bon, déjà, c'est pas à cause d'une course, visiblement, puisqu'il a bel et bien remis le véhicule. Voilà, okay. Mais là, c'est un petit peu flippant. T'as prévenu la police, ouais. Julie? J'ai appelé tous les commissariats de Bruxelles, j'ai appelé tous les hôpitaux de Bruxelles, il n'y a rien. Les hôpitaux, ils m'ont tous dit qu'il n'y avait aucun nom aux urgences et dans les commissariats. J'ai appelé le numéro central, on m'a dit qu'on ne pouvait rien me donner par rapport à la vie privée, protection de la vie privée. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai appelé les urgences, hein, le 101, et là aussi, on m'a dit quoi? On m'a dit, il faut juste aller au commissariat pour aller déposer une plainte pour disparition inquiétante. Mais enfin, je veux dire, il est 9h30, j'ai mon fils qui dort à la maison, je ne peux pas me déplacer comme ça. Julie, c'est jamais arrivé, ça. Comment? C'est jamais arrivé. C'est jamais, jamais arrivé, jamais. D'accord. Non, ouais, écoute, je pense que s'il y a le cadre de la disparition urgente, on peut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Il faut aller au commissariat. Il s'appelle comment, Julie? Hamza, c'est ça? Hamza, ouais. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, peut-être, qui connaît un Hamza qui est en train d'errer ou genre qui est chez des potes tranquille en mode jouer à la PlayStation, réveillez-le, quoi. Je sais pas si. Ouais, tu veux chanter. Voilà, mais c'est inquiétant. J'espère vraiment qu'il va bien, quoi. J'espère aussi. Mais Julie, il rappelle la police et voilà. Alors je sais que il faut attendre 24 heures, une histoire comme ça, là où je suis pas très bien, sauf si c'est effectivement. Là, ça fait un peu plus de 24 heures qu'il est parti, donc. Ouais, alors là, il faut le faire, hein. Il faut le faire. J'ai appelé tous les commissariats, j'ai appelé les services d'urgence, j'ai appelé le numéro central. J'ai reçu encore 3 appels du commissariat de Bruxelles qui qui me dit qu'il faut aller sur place, mais je peux pas me déplacer maintenant, je suis obligée d'attendre demain. Ouais, parce qu'il y a ton petit. Voilà, j'ai encore des heures à attendre, quoi. Ouais, ou alors tu vas avec, c'est délicat, c'est compliqué, mais. Mais c'est un petit bout de 3 ans, je peux pas non plus. Ouais, je sais, mais bon, du coup, il y a quand même urgence, quoi. Il faut peut-être aller les voir quand même. Je pense qu'il y a urgence, le petit, prends-le dans tes bras et je sais pas, peut-être que Zach peut aller chercher Julie et aller à un commissariat de police, mais je pense qu'il faut, si pour toi ça t'inquiète et que c'est pas le comportement de ton mec de faire ça et de disparaître, le petit. Ouais. Non, habituellement, il rentre plus tôt, tu vois, il termine à 6h du mat. Il y a des fois où je faisais, le mois passé, je faisais la nuit et à 5h il arrêtait, tu vois. Il y a Bilal qui nous fait de l'humour bizarre. J'ai entendu qu'il était dans le coffre d'un taximan. Non, mais les gars, rien à voir. On reste des êtres humains et je pense que ça se respecte. Hein. Photos, etc. Je suis chauffeur taxi. On ne sait jamais si jamais je peux l'aider. Voilà, il y a des personnes qui se proposent d'aider. Le véhicule, c'est pas lui qui l'a en tout cas. Donc lui, pour l'instant, il est à pied, il est à pattes. C'est complètement galère parce que. Et sa famille n'a pas de nouvelles. C'est de quel côté, c'est de quel côté qu'il a ramené le véhicule alors du coup? Mais je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais son ami, son collègue qui vient ramener la voiture à 18h, il t'a bien dit de quel côté c'était? Non, il m'a pas dit. À Saint-Gilles. C'est à Saint-Gilles le collègue. Donc du coup, c'est quartier Saint-Gilles. Mais faudrait qu'on ait à quoi il ressemble, etc., pour savoir si quelqu'un l'a vu. Peut-être que quelqu'un nous écoute et a vu cet homme-là. Ouais, ouais, peut-être une description ou autre. C'est un grand mince avec crâne rasé, une moustache, une petite barbe. Une moustache. Ah, mais c'est lui l'auditeur qui est venu nous voir là. Mais t'es con, Joël, putain. Ah merde, c'est pas lui. Arrête, non, s'il te plaît, c'est sérieux. Le mec, il vient toujours amener sa merde quand on est dans une situation sérieuse comme ça, c'est ouf. Il a quel âge, plus ou moins, Julie? Il a 34 ans. 34 ans, écoute, va falloir, je sais pas, est-ce qu'on ferait pas circuler une photo sur les réseaux sociaux? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé par rapport à des disparitions, j'ai partagé, alors que moi je peux pas créer le poste, mais j'ai le droit de le partager et tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut que Julie, déjà de 1, clairement il faut que tu ailles à la police, il faut réveiller le petit et aller en urgence à la police pour dire qu'il y a une disparition inquiétante, ça fait plus de 24 heures, c'est pas du tout dans le comportement de ton mec, donc il y a un stress, va à la police. Ouais. Signale la disparition et comme beaucoup de gens font sur les réseaux sociaux, tu mets sa photo, tu dis en expliquant les circonstances et tu dis qu'il a disparu telle date à tel endroit. Ça a l'air d'être vachement inquiétant, donc faut faire le nécessaire, quoi, Julie. Je vais faire ça. D'accord. Ouais. J'espère vraiment que ça va aller et puis n'hésite pas, envoie-nous dès que t'as fait un post ou autre, envoie-nous et comme ça nous on partage notre côté aussi. Je suis sûr que la communauté des auditeurs vont faire ce qu'il faut aussi, quoi. Ça va. Ok, super. Bon, tiens-nous au courant. T'as le numéro, tu peux envoyer un message quand tu veux pour nous tenir au courant. Hein. Ok, ça va, merci. Bah, bisous, courage, Julie. Hein. Ouais, salut, merci. Bye bye, ciao, ciao, courage. Bon, Zach, tiens-nous encore informé de ton côté aussi. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais voir ça, t'inquiète. D'accord, et rassure-moi, tu me fais pas une blague, hein, vous ne trollez pas, hein. Non, mais on ne sait jamais. Non, c'est pas une blague. Ah, voilà, non, ça va, je me dis. Toute la journée, j'ai essayé de l'appeler. D'accord. Non, parce qu'il y a 2-3 auditeurs qui me disent, ouais, sûrement on fait une blague, mais je crois qu'on fait pas des blagues avec les disparitions de gens, tu vois. C'est... Non, c'est pas une blague, parce que moi-même, ça m'a paru bizarre, parce que d'habitude, dès que je l'appelle, il répond direct, tu vois. Ouais, ok, là, c'est vachement inquiétant. Là, je l'ai appelé, rien du tout, boîte à message. Je me suis dit, peut-être qu'il était occupé ou quoi, je sais pas. Non mais là ça part un peu long. Écoute, j'espère qu'elle va faire le nécessaire pour aller à la police et tout. Et appelle-la et vois si tu peux lui venir en aide, hein, Zach, ça va? Envoie-moi son news. Ça va, on fait ça en antenne, on te met en antenne avec elle, d'accord? Ok, pas de soucis. Super, merci Zach. Bon, vous êtes informé dans cette émission. Hein, c'est flippant ce genre de situation. Hein, j'espère que ça va bien. J'espère vraiment que ça roule et qu'on va rien voir dans les journaux et tout. Ça serait malaisant. Hein. Bon les amis, vous inquiétez pas, on va pas mal rigoler ce soir. Vous rappelez la fois où je me suis fait piéger par ma meuf? Ouais. Évidemment qu'on s'en rappelle. Ce jour-là, tu nous as trop trollé en fait. Mais comment je vous ai trop trollé? T'es sûr que t'étais pas dans la vanne? J'étais pas dans la vanne, j'étais pas au courant. Mais t'as pas vu qu'il a fait une syncope presque? J'étais pas bien. Tu vois, le mec, il a confiance en personne, lui, c'est incroyable. J'étais pas bien. Écoutez, dans quelques instants, vous allez entendre le moment où ma copine m'a piégé, elle m'a fait croire qu'elle était enceinte. Et c'est parti dans tous les sens, et tout de suite sur Énergie après Marshmello, Happy Hour. Welcome, Vince dans la maison! No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go, I will go, go, go. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Bon, qu'est-ce qui se passe au standard? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je mets mon micro. Un peu spécial, Vince. Il y a un appel spécial. Parce qu'on me fait signe, genre il y a un appel. On a reçu un appel un peu spécial, mais du coup, je sais pas trop si je dois te l'introduire ou tu préfères l'écouter directement et voir qui c'est. C'est qui je connais? C'est quelqu'un que tu connais bien, ouais. C'est quelqu'un de ma famille? Ouais, quelqu'un qui, je sais pas comment on fait pour te supporter. Arrête. Je te jure. C'est ma meuf. Une blague. Vas-y, prends-la, on va voir. Allô? Allô? Oh merde. Coucou chérie, ça va? Ça va, et toi? Ça va bien. Quel bon vent t'amène dans notre... Quel bon vent amène notre vie privée sur antenne? Parce que voilà. Écoute, il faut absolument que tu rentres à minuit parce que j'ai besoin de sneakers, je t'assure. T'as besoin de quoi? De sneakers, mais ça va, je peux rentrer à 2h du matin, t'auras quand même des sneakers. Ah putain, c'est dommage, je viens de manger les sneakers que t'avais acheté. Non, il faut absolument que tu rentres à minuit et puis il y a plein de trucs et tout, j'ai besoin que tu sois là, quoi. Attends. C'est la seule fois où on va. Ma meuf m'appelle en direct sur Énergie. Mais oui, mais c'est grave la honte. Ah mais non, c'est parce que ton téléphone il est éteint. Tu m'as envoyé un message sur mon téléphone normal, oh, quand même. Bonne fête des pères. Arrête, comment ça? Mais non, c'est pas la fête des pères. Si, on est le 30. C'est pas la fête des pères, c'est mais des conneries. Mais non, c'est pas la fête des pères, c'est l'anniversaire de ton petit. Mais, ah ouais, purée, mais c'est vrai, mais oui, bah. Non, c'est pas ça. Mais attends, oh, putain, mais... il a dit ouais, ouais, c'est mais ça. Si, le 30. Dans 8 minutes, mon petit, là, il a 8 mois, alors du coup. Le chouchou. Non, déjà, il a 7 mois. 7 mois, pardon. Il va avoir 7 mois. Ouais, pour avril, tu vois, mais c'est la même chose. Oh là là. D'accord, il va avoir 7 mois. Ah, il avait 6 mois, mais attends, mais toi il aussi. Oui, non, mais c'est pas ça. J'ai failli te balancer son prénom à l'antenne. Chérie, attends, le truc aussi, c'est que ça fait un mois déjà qu'on dit qu'il a 7 mois, tu vois. Donc voilà, mais c'est quoi alors si c'est pas ça, c'est quoi? Vous dites ça par rapport à la tête de sa tub. Mais. Pourquoi j'aurais besoin de sneakers, c'est de bouffe, etc. Non! Putain, il y a toutes les meufs qui sont en train d'envoyer des messages en même temps sur WhatsApp et je viens de comprendre pourquoi toutes les meufs sont en train d'envoyer ce même message. Quoi? Je lis le message de Jade. Je crois Vince que toutes les meufs sont en train d'envoyer le même message. Toutes les meufs ont compris le. Oh putain. Et nous les mecs on est trop des cons. Mais moi j'ai pas compris. Ah mais là t'as un mec. Oh putain. Mais ouais. Non, est-ce que c'est ce que je crois? Attends. Elle a besoin de chaussures. Non, est-ce que c'est ce que je crois? Tu crois que quoi? T'as besoin de sneakers, t'as besoin de chocolat. Est-ce que t'as envie de fraises? Arrêtez de m'envoyer des félicitations, vous en savez rien pour l'instant. Ah mais. Wesh! Non, c'est une blague. C'est une annonce à l'antenne officielle. Oh putain, les allocations familiales. Attends. Oh putain, encore changer les couches. Attends, allô? Allô? C'est une blague? Non. Non, c'est une blague! Non, c'est pas vrai. C'est quoi, t'es content? Ben, je. Elle lui a mis un coup de pression. Ah oui, si! Attendez, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent! Il y a plein de messages! Tu vas déménager! Oh putain! Attends, deux secondes. Donc, tu m'appelles pour me dire que t'as besoin de stickers ou pour m'annoncer une bonne nouvelle? Mais les deux. Non, mais c'est sérieux. Attends, c'est vrai? C'est une blague. Ouais. J'adore parce que mais j'ai un pote à moi, il m'envoie un message sur le WhatsApp d'énergie, il me fait je suis parrain. Ta gueule, t'en sais encore rien, toi. Attends. Putain, c'est... Ah, mais ça, c'est vrai, c'est des envies de femme un peu, toi. Non, mais je crois qu'on va pas vous faire un dessin. Je pense que. Vous allez avoir un deuxième bébé ensemble? Est-ce que c'est ça? Oui. Oh my god. Gilet jaune, hey, gilet jaune, hey, gilet jaune, hold up. Oh my gosh. Non mais attends, tu attends. Tu vas avoir un troisième enfant. Attends. Moulin. Mais frère, déjà nous on est tes enfants, tu t'occupes pas de nous. Wesh. Tu vas avoir un douzième enfant. Mais Vin, tu m'as trompé. Merde. On peut pas dire son prénom, j'ai envie de chaque fois dire le prénom de... Ah, ouais, parce que... C'est vrai ou pas? Tout le monde la connaît autour de cette table ici, Michael. Mais... Non mais attends, c'est vrai ou t'es en train de me troller? Ben non, je vais pas... Sérieusement, je vais pas te foutre la montre à l'antenne comme ça. Ouais, non, ça, j'en sais pas, parce qu'elle est drôle, hein. Non, parce que je sais... On que... va l'appeler... Je sais que t'as du potentiel. Je sais pas, comment est-ce qu'on l'appelle? Ouais, on l'appelle... Joanna, allez hop. Voilà, écoute, Vincent, tu oui. connais. Je sais pas tenir une blague. J'aurais déjà bégayé, tu sais, très bien. Mais on fait pas de blagues sur vrai. Ça en plus. Là, je veux dire, imagine maintenant, non, c'est pas vrai, wesh. Alors là, et j'ai un nombre de félicitations qui arrivent sur le WhatsApp, c'est un truc de ouf. On m'envoie Golden Tish aussi. Ouais, ouais. Merci pour tous ces messages. Si vous voulez féliciter, 0492 222 002 sur WhatsApp, c'est gratuit. Non, mais attends, parce que donc, ce qui est en train de se passer, c'est sérieux. Il y a un enfant qui arrive alors. Donc il y a ton enfant qui arrive déjà. Oui, il y a un enfant qui arrive, voilà, que je dis, il y a mon enfant, il y a le tien aussi. Et elle a du caractère, hein. Bien sûr, d'accord, ok. Donc c'est le jour où mon fils a 7 mois, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des chances que notre prochain enfant arrive plus ou moins, pas dans la même date, mais genre, bah, si, le même jour d'anniversaire peut-être. Mais attends, mais comment ça, mais ça Non, parce que du coup, c'est peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, c'est peut-être les trucs d'avant. Du coup, ça fait... Excusez-moi, je suis en train de perdre mon latin. Ouais, bah, attends, non, mais genre, grave félicitations, mais du coup, c'est, ça fait combien de temps, mademoiselle? Oh mon Dieu. Et ça fait un petit moment. Oh putain, je dois. Ah, tu nous as pas dit! Ah putain, je dois déménager là. Oh, attends, je m'assieds par terre. Oh. Attends, je suis allongé là. Et, je sais pas si vous m'entendez. Mais attends, on est tous en mais... PLS là. Non, non, en PLS, mais ouais! Mais Johanna! J'ai la tête qui tourne. Johanna! Elle s'appelle pas Johanna là, arrêtez. Non, mais on peut l'appeler Johanna, c'est un nom d'emprunt comme dans non, les films. Non, bah attends! c'est une blague ou c'est pas une blague? Mais c'est pas une blague. Ah putain, je vais rigoler, il est quelle heure là? Du coup, ce soir, pas de mot de la fin. Hey, mais je voulais pas que ça se passe comme ça. Elle était censée... Quoi? Elle voulait au départ juste appeler pour dire... Hey, attends, parce minuit. Que... Attends, mais... Ne joue pas avec mes nerfs, parce que si je rentre et que tu fais « je t'ai trollé », je te jure. Elle aura trollé toute la Belgique, quoi. Alors là, tout le monde a envoyé félicitations pour des couilles, si bon, c'est bon, reviens devant ce micro, toi. Ouais. Non, je suis par terre, vous comprenez pas, je sens plus mes jambes. Bah, attends, PLS. Je sens plus mes jambes. Elle est du coup là en direct sur l'émission de Nigel et Lara. J'arrive à lire un message de loin, on me dit « Vince, t'es content ou t'es pas content ?» Alors, vous devez comprendre un truc, je suis méga content, c'est super positif. Mais je me rends compte que je dois changer de caisse. Mais tu nous appelles de où là, je me rends compte que je dois. Je vais chier, il est couché. Tu dois changer de caisse, tu dois changer d'appart. Je dois changer d'appart, je dois déménager. Ça veut dire que je et dois. Et puis on va trouver une crèche là, parce que c'est urgent. Ah oui, deux, peut-être trois même. Je me rends compte que. Oh putain. Hey, je me rends compte qu'on va de moins payer encore, merde. Ouais, je me rends compte que je dois aller voir le boss, lui demander une augmentation. Je me rends compte de toute la masse de travail. Oh putain, de nouveau faire la fille, la famille Med, machin, là. Oh putain. Encore faire la fille avec tous les gosses qui sont en train de brailler. Ouah, ouah, et tout, là, de... Oh là là. Oh merde. Putain, repasser au Ikea, encore. Mais y'a pas que ça. Attends, juste un truc. Est-ce qu'il peut reprendre les vêtements du petit ou pas? Bah non, oui. Oh mais merde. On sait pas encore le sexe. Mais attends, mais si, c'est une fille. Mais... Quoi? Attends, mais t'as été chez le gynécologue? Bah oui. Mais tu m'as regardé! Non, mais attends. Tu crois que j'étais où avant-hier? Non! Attends, mais pourquoi tu me l'as pas dit ça? Mais je dois être là dans ce genre de cas avec le cœur qui fait boum boum boum boum boum. Mais pas encore! Mais non, maintenant c'est une bonne surprise. Je t'ai dit que j'allais au Carrefour, mais j'étais chez le gynéco. Quoi? Mais putain! Pendant que Vince prépare un canular. Oh merde! T'es trop con! Vince, reviens devant ce micro. Non, mais je suis par terre! Vous allez, est-ce que quelqu'un peut le remettre sur cette chaise? Mais je sens plus mes jambes! C'est devenu un Vince sans chaise! Je sens plus mes bras, Putain, il y a mon corps qui se vide, je suis en train de péter. Ah, je saigne. Ouais, il y a ton corps qui se vide. Il est en train de pisser par terre. Je suis en train de saigner. Je me noie dans mon caca comme je vais devoir nettoyer le caca de mon prochain enfant qui va arriver bientôt. Ah, mon Dieu, putain, nouveau, devoir nettoyer tous les soirs pour éviter que le gosse se mette un truc dans la bouche. Non, mais tu vois que les trucs négatifs. Mais ouais, mais c'est vrai. Et puis sinon, on va. Ah, je meurs, mais c'est bon. Non, ça va. J'ai repensé au fait que je vais bien les éduquer. Attends, mais... et qu'ils vont rapporter de l'argent plus tard. Oh my god. Voilà. Attends. Moi, j'y crois toujours pas. Hein. Mais ma meuf me fait des blagues, souvent. Je sais. Moi, je suis entre les deux. Elle est coquine. Alors, il y a eu trop de messages. On a fait le record. Alors, dis-toi un truc. Elle est coquine. J'ai failli balancer son prénom. On a fait le record. Nigel, pourquoi tu manques de respect comme ça? Non, je rigole avec toi. Là, tu sors. Il est ouf, je m'intéresse pas à tout le monde qui veut des problèmes. Il est ouf. Je reste mon boss, n'oublie pas. Il y a plein de messages qui arrivent. Félicitations, Vince. T'auras un autre enfant. Merci, c'est gentil. On m'envoie une autre. Quelqu'un peut le remettre sur cette chaîne. Allez, mande de rire. Merci, c'est gentil. On voit un autre message. Vince, félicitations. C'est la plus belle chose que tu peux avoir, tu sais, dans ce monde. Ah oui. Profites-en. T'inquiète pas. Bisous à l'équipe. Il y a déjà deux trésors et c'est sûr et certain, là. Oui, Eddie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui est chouette, c'est que tu pourras dire à ton enfant que on t'a annoncé son arrivée juste après le jeu du cul de Damien. C'est génial, quoi. Génial. En tout cas, ma chérie, félicitations à toi aussi. Merci. De rien. Attends. Quoi? Non, mais je voulais juste te dire, en fait, que je devais te faire une blague, mais j'ai oublié le script, donc j'ai fait une impro. Et quoi? Quoi? Putain, je viens de lui envoyer un message en disant, c'est vrai. C'était une blague. Mais on rigole pas avec ce genre de truc, putain. C'était une blague, sérieusement. Mais attends, mais tu peux pas faire des blagues comme ça. Mais attends, mais je suis choqué. Mais non, mais c'est bien. Mais non, mais putain, tu choques. Pourquoi tu joues avec mes nerfs comme ça? Ah, excusez-moi, je prends mon souffle. Je reprends, il y a tout le monde qui en PLS autour de cette table. C'est taré. Je quitte cette émission. Mais jamais. Je suis le roi de la blague. Jamais je t'ai fait une blague aussi dingue. Prends le cœur. Il a fait un enfant quand même. Non mais attends, mais ça. J'étais en train d'imaginer, je suis en train de me dire, bon allez, tu sais quoi, je vais finalement prendre une Smart, changer de Smart. Il était temps après avoir deux enfants quand même. J'ai pris mes dix. C'est pas ma faute. Eddie m'a appelé en disant, ouais, il faut que tu fasses une blague. Il m'a donné un scénario, mais puis j'ai paniqué. Eddie, quel vieux mensonge. Eddie, tu vois la porte là? Tu es viré. Merci, on applaudit Eddie, merci. Ouais. Merci Eddie. Merci. C'est tout pour moi, ce fut vraiment un plaisir. Voilà. Merci Eddie, c'est gentil là. Oh mon Dieu. Non mais attends, mais là il y a notre vocal, je sais pas ce qui se passe là. J'étais dans déjà vocal. En train de commander chez. Elle est vachement plus douée, toi, ta femme, pour faire des blagues. Non, bah, un jour elle va prendre ma place dans cette émission, je suis sûr. Parce que là. C'est quelqu'un peut ramasser le cœur à Vince à terre, s'il vous plaît? Parce qu'il a perdu un chemin. Ah non, mais j'ai la tête qui tourne là. J'ai dit, t'as perdu ta sacoche et en plus ton boulot. Waouh. J'ai dit, il a perdu sa sacoche et en plus son boulot. Putain, je suis mort. Bon, ma chérie, je vais. T'as besoin de sneakers ou pas? Ouais. Ok, ça va, je vais te les chercher. Je vais finir l'émission maintenant parce que toi et moi on doit parler. On a des choses à se dire. Parce qu'on parce que déjà que tu complotes dans mon dos avec un co-animateur, ça me fait peur, genre de truc, hein. Le genre de truc on dit genre, ah tiens, comme ça, puis après on découvre que ça se passe sous la couette, hein, genre de machin là. Oh, voilà. Non. Directement je vais dans l'abus, moi. Bébé, j'ai déconné. Non, mais vraiment, alors là. Bon, chérie, je te fais un bisou et je vais, à cause de toi, je vais finir l'émission tôt. Donc voilà, comme ça tu sais. Parce qu'on a... toujours pas mes règles, là. Ça c'est vrai. Ça, quoi? Non, je rigole. Oh putain, j'en peux plus, on arrive tout de suite sur l'énergie. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Merveilleux, ça s'est passé il y a je crois une dizaine de jours, là, il y a deux semaines que ça s'est passé, cette histoire là, que ma meuf m'a fait. Elle m'a bien eu, incroyable. Lady Gaga avec Bradley Cooper, Shallow, c'est ce qui va arriver. On a René qui est dans la maison ce soir, les amis, sur Énergie. Ouais. Salut René, comment ça va Renoir? Ça va et toi? Ben ça va, la vie est belle ou quoi? Bah ouais, ça roule. T'as passé une bonne journée? Ouais, bonne journée, bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons. On est pas là pour s'emmerder. Ben j'espère bien. Nous allons parler des complexes ce soir. Très bien. Les complexes. Ben comment? On va parler de toi. Oh, c'est... oh là là, c'est trop facile. T'as vu directement dès le début de l'émission. C'est un homme complexe. Je suis complexe de, dans la tête, mais je ne crois pas avoir encore des complexes physiques. On a bien bossé dessus. Mais si c'est vrai. T'avais dit que quand t'étais avant. Ado... Ah oui, mais. Ben c'est fini maintenant. Quand j'ai... tu grandis, voilà. Non, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Quand on t'appelait encore Bobo. Voilà, quand on m'appelait Bobo, c'est mignon. On m'appelle toujours Bobo, tu sais. Hein, c'est ma maman qui m'appelle Bobo. Hein. Avec René, on va travailler, les amis, sur les complexes. On en parlera dans quelques instants. Et on salue Adrien, là, qui nous dit salut Vince, je t'écoute depuis 3 semaines. Je n'ai pas de wifi et j'adore ton émission. Là, je suis en partage de connexion avec mon père. Eh ben, Adrien, merci pour ton message et bienvenue à toi dans cette famille. T'en fais partie maintenant, étant donné que tu m'as envoyé un message, là. Kevin qui me dit Vince, t'es la victime de ta femme. Non, mais là, complètement, vous n'avez pas idée à quel point. Salut Vince et Sarah, ma petite sœur Kiméa, t'écoute en ce moment. Et c'était son anniversaire le 6 décembre, ce serait super gentil. Quoi, du c'était un bon anniversaire à Kiméa? Ben. Encore une bougie de soufflé, encore une allée de passé. Encore une bougie de Thibaut, hein, t'es avec encore moi. Encore une allée de passé. Tout le monde en a. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que c'est trouvant de l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Et hop! Bon, les amis, bougez pas, ce soir, des bons moments. Alors, Nigel a réussi à tout encoder. Ouais! Ça y est, on a réussi à récupérer tous les super bons moments là, de cette semaine et tout ça. Alors, incroyable. On a le sujet sur les triches. Ceux qui ont raté ça, si vous voulez des techniques pour tricher, c'est bientôt les examens, ou peut-être vous êtes déjà en plein dedans, on peut le passer. On a eu Matt. Se fait des films, qui est sur YouTube là, bientôt 1 million d'abonnés, il est belge. Et on a parlé d'article 13 en début de semaine. Pour ceux qui connaissent pas l'article 13, c'est la fameuse loi qui a été votée, déjà votée alors que le texte n'a pas encore été écrit, par le Parlement européen, qui consiste à protéger Internet via les droits d'auteur. Ouais. Donc il y a plein de YouTubeurs qui vont disparaître, plein de trucs qui vont changer, et votre Instagram, votre Snapchat, votre Facebook et beaucoup YouTube. Je dois dire que j'ai reçu un mail très très intéressant de la SACEM, Société des droits de des droits d'auteur, etc., française, qui me dit ne cédez pas à la pression de YouTube, à la propagande de YouTube qui empêche la réglementation des droits, etc. Ils ont bien expliqué dans ce mail qu'ils galéraient pour récolter, etc., les droits, et que c'est une manière justement de mieux rétribuer tous les ayants droit des œuvres. On va repasser ce petit moment-là tout à l'heure avec Matt se fait des films, et puis également Antoine qui a appelé Aurélie au bébé, je les connais, après vous avez extrait magistral entre Christelle qui a piégé sa fille Coralie. Tout ça, c'est tout de suite sur Énergie. Soyez bienvenus. Vince, c'est dans la maison. Vince, 21h minuit sur Énergie. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be so. Yeah. tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Et encore heureux qu'on soit là. Salut, bienvenue sur NRJ. On nous aura une autre vocale. J'adore, j'adore les petits messages d'enfants comme ça qui passent comme ça. C'est tellement sympa. Vin, c'est quoi le numéro de votre radio le numéro de notre radio? Bah, numéro 1, bien sûr. Attendez, excusez-moi, radio number 1. Non, mais je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là. Ah, en FM. Mais alors, ok, je vois. Parce que sur WhatsApp, il y a un auditeur qui est en train de m'envoyer des photos de son radio réveil. Alors, mon pote, est-ce que tu n'es pas en train de nous écouter? J'ai envie de te dire, je vais t'écrire d'ailleurs, puisque tu ne nous écoutes peut-être pas, puisque tu n'as pas la fréquence. Ça dépend de ta ville. Voilà, donc il va me donner sa vie, je vais pouvoir lui donner la fréquence. Il me dit ça me fait que des flamands, ouais, parce qu'il y a peut-être Energy Belgi aussi, hein, il faut le préciser. L'arrêt dans la maison ce soir, il y a également Nigel, il y a Thibaut, il y a Eddy. Yep. Bisous tonton Roger, je te fais un bisou, bisous tonton Roger. Un bisou, à bientôt. Tonton Roger, c'est le frangin, c'est la famille, c'est l'oncle. Voilà, c'est le tonton de la maison, hein, il est avec nous là. Hello la team, est-ce que vous pouvez me dire qui chante la chanson que vous avez passée sur les gilets jaunes? Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Ah, celle-ci là. Gilets jaunes, moi gilets jaunes. 5 millions de vues sur YouTube, hein. 5 millions. Déjà? Ah oui, c'est énorme. Gilets jaunes. Il s'appelle Cop Johnson, K-O-P-P Johnson. Voilà, comme ça tu sais. Oh yeah. Et salut Vin, j'ai 14 ans, je suis nouveau et je vous écoute de France, votre émission est top. Merci à toi pour ce message, ça fait plaisir, hein, ceux qui nous écoutent de France là, et qui décident d'écouter ce qui se passe sur Energy Belgique. Franchement, ça nous touche. On va sur le son de Lady Gaga avec Bradley Cooper, avec Shallow dans quelques instants. Mais d'abord, il y a ma petite fille qui m'attire mon attention. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Papa, oui. Tu sais plus ouvrir la porte? Oui, c'est normal, il y a la sécurité. Donc tiens, je te donne mes clés. Tu dois faire avec ce badge-là. Mais attention, perds pas les clés parce que sinon on va passer par rentrer en voiture avec toi tout à l'heure. Et on doit dormir ici. Et ce serait contraignant, n'est-ce pas, hein? Même si la PlayStation et tout ça. Voilà. Pas perdre les clés, hein, ok? Ok. Super, merci à toi. Oh là là. Elle est merveilleuse, hein. Eh, tu voudrais bien avoir une enfant comme elle, hein. T'as vu, hein, comme elle est obéissante et tout. Hein, René, t'es jaloux? Excuse-moi, avec ton micro, c'est mieux, tu disais? Non, j'ai le mien, je suis très content avec le mien. C'est vrai? Ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme question. Non, mais je sais pas, hein. J'aime bien essayer de le provoquer, mais il est improvocable ce mec, c'est ça qui est incroyable. Il est calme aujourd'hui. Mais ce mec-là, il n'y a pas moyen de le provoquer. J'ai essayé, hein, tu vois, de lui dire avec ta tête d'oursin, mais... hein, j'ai essayé de lui dire t'es super gros, alors que je m'en fous qu'il soit gros ou pas mais gros. Mais il est spécialiste en gestion de stress, qu'est-ce que ce tu fais? Ce mec-là. Tu peux pas me traiter de chicon, moi. Hein. Private joke. Voilà, on parle de. Non, de personne. Voilà. Alors, comment c'est possible qu'on n'arrive pas jamais à te toucher, à te vexer, toi? Comment ça se passe? Allez, un être humain normal, à un moment donné, peut être vexé dans sa vie, c'est pas possible. Mais le truc, c'est que le vannage, c'est... chez moi, c'est familial, quoi. Si ah tu ouais connais ma mère, si tu connais... Ta mère, elle est super bonne en blind test, ma mère est super bonne en vannage. Ah, t'as écouté comment ma mère est passée en blind test, ok. Non, j'étais ici. Ah oui, c'est vrai, t'étais ici, pardon, excuse-moi. Ouais, t'es le genre de gars qu'on oublie vite. Et, Et tu vois, ça, je laisse même pas. Non, mais je te le rappellerai quand tu voudras que je te répare le dos après la mission. Oh merde! Ouais, c'est vrai, j'ai besoin de lui en plus. Non, mais j'essaie de te titiller, mais j'y arrive pas. Donc en fait, t'es docile. Hein. Enfin, t'es docile. Tu résistes, on va dire. Ben, en plus, voilà, t'es mon pote, donc pourquoi tu irais prendre un truc que tu me dis? On est bien d'accord. Je suis ton boss, fais gaffe. Et ça va, je déconne. Bon, les amis. T'as vanné rien qu'avec une onomatopée. Je te jure, il a fait. Tu vois, le m'a mis plus bactère, tu vois. Il est 22h08, on va lancer Lady Gaga et Bradley Cooper et on va avoir l'occasion d'avoir quelque chose d'inédit dans cette émission, n'est-ce pas, Nigel? Ouais, une personne qui m'a appelé au standard, parce que Thibaut, il travaillait pas trop le vendredi. Ouais, il glane un petit peu. Et voilà. Qui m'a raconté un truc qui m'a assez touché, donc je suis venu t'en parler. C'est énorme, et c'est incroyable. Enfin, oui, Nigel est énorme, mais c'est énorme que Nigel soit touché. Mais qu'est-ce que t'as le vendredi? Mais ce type a un cœur. Mais ce type a un cœur. Ouais, complètement. Je suis étonné, il est venu me parler, il m'a dit. Il a un cœur, mais il a un gros nez aussi. Hein. Écoute. Ouais, effectivement, j'aurais dû le raccourcir pour moins sentir ton odeur. Oh, c'est parti. Non, mais non, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il sent au moins les bonnes odeurs, parce que quand c'est lui, c'est mort. Pourquoi il prend l'accent comme ça? Pauvre Eddy qui est à côté, tu vois, qui est antillais, qui se dit, mais pourquoi moi? Ouais, mais Nigel, il fait beaucoup de vannes avec les accents d'antillais, c'est un enfoiré, nous, on l'accueillerait pas chez nous, tu sais. Ouais, bah ça, j'ai sûr. Il a tout mangé, toutes les bananes plantains. Il lui reste le chomp. Bon, le ponche, pardon. Tu lui parles en verlan. Ah, putain, je m'en bave exprès. Alors, non, mais sérieusement, c'est une histoire sérieuse là qu'on va voir. Ouais, c'est une histoire sérieuse. Franchement, elle m'a touché. Elle s'appelle Ayat. Et en fait, Ayat, elle veut passer un mot à l'antenne. Ça se passe jamais en radio. Et on va le faire parce que c'est très fort. C'est poignant. Avant ça, voici. Elle est belle cette musique quand même. Lady Gaga avec Bradley Cooper. Il paraît que le film c'est génial. Il est en train de cartonner, hein. Il est très très bien. Nigel l'a vu. T'as été le voir? J'ai été le voir avec ma meuf. Il est pas chiant? Ah non, il est trop bien. Ok. Lady Gaga chante trop bien. Il s'appelle comment le film? A Star is Born. A Star is Born. Et voici le titre Shallow. Bradley Cooper, Lady Gaga. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Times I fear myself. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Le soir. Du lundi au vendredi. Dès 21h. Et sur Énergie. Exactement, sur Énergie, en live. J'espère que ça va bien tout le monde. J'ai parlé trop fort, ma chérie. J'ai parlé trop fort. Et ma petite fille est venue s'installer sur moi pour faire dodo. J'ai parlé trop fort, c'est l'habitude. Ça va, hier, je parle avec ma grosse voix. Mais tu vas faire comment? Ben, je parle avec ma grosse voix. Ma grosse voix, tu vois, c'est très bien. C'est avec ma voix normale en fait. Écoute, on va tous. Ça, c'est ma voix normale, mais comme le micro est mal réglé, en fait, ça fait, je crois, 2 mois que je demande à Geoffrey de la technique de mieux régler mon micro, de le mettre plus fort comparé au vôtre. Nos micros donnent la même chose en fait sur antenne, mais ils donnent pas la même chose ici en studio. Donc moi, je deviens cria parce que je m'entends pas en fait quand je parle. Ah, mais d'accord, ok. Mais ça fait 2 mois, 3 mois, depuis qu'on a commencé que c'est comme ça. C'est pour bon ça que j'ai tendance à parler un peu comme ça. Mais alors, du coup, là, je vais parler tranquille. Voilà, c'est pour ça. Non, mais vous inquiétez pas. Hein. Mais à l'antenne, on t'entend plus, on est d'accord. C'est Oui, à l'antenne, okay, ça change rien pour les auditeurs. C'est très bien. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu l'envers du décor, comme ça vous savez. Ça va, tu vas bien, toi? Je sais pas dormir avec la lumière. Il y a trop de lumière. Tu veux que j'aille dans le lit d'énergie? Parce qu'on a une chambre avec un lit, je tiens à préciser quand même. Oui, il y a énergie, on est gâté. Oui, la zen room. Hein, ce, ah oui, enfin, c'est un fauteuil. Canapé, fauteuil, lit. Enfin voilà. Ah, tu sais, pour moi, c'était suffisant. Hein. Moi, pour moi, c'est un lit, ça. Hein. Tu sais, quand t'as vécu la S comme la fouine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a jouer. Tu veux jouer à quoi? À mes jouets que j'avais acheté avec toi. Que toi t'as acheté. Que ta petite fille est néerlandophone. Oui, elle est flamande, ma fille, effectivement. Parce que sinon, ils vont se dire, mais quoi, mais à 5 ans, elle est handicapée ou quoi? Elle ne sait pas parler. Non, il explique des dents, ça. Ya. Ou Ard Bagné? Chef. Ouais, j'adore parce qu'elle a fait chiffre 5, tu vois, devant, avec sa main, devant le micro, genre le micro la voix, tu vois. Ok, allez, ça va, vas-y, va t'installer là-bas. Et comme off, ok? Top flax, hein? Voilà. Et oui, bon, vous découvrez des choses sur moi, hein, voilà. Oui, vous découvrez que je parle néerlandais avec ma fille. Le vendredi. C'est mignon, effectivement, le vendredi, il est ici avec nous. C'est mignon, hein, René, t'as vu ça, hein? Ouais, t'as pas cette relation avec ton fils, hein, on est d'accord. Non, je te taquine. Il connaît pas son fils. Les amis. En plus, son fils. Non, mais moi, c'était le mien. Ouais. Non oh Hold up. Oh mon dieu! Eh, j'ai une hémorragie! Faites-moi un garrot, les gars, je suis en train de perdre mon sang! S'il vous plaît! Massage cardiaque, je meurs! Ah! Oh. Non! Ne tirez pas la chasse! S'il vous plaît! Ah. Ok, c'est bon, je suis de retour. Oh my god. Le temps que mon cœur se remette en marche. Ouh, c'est la pire punchline qu'on m'ait jamais balancé de toute ma vie. Tu l'as cherché. Ah ben là, tu vas te retrouver en pub radio, fais gaffe. Hein, peut-être en pub télé. C'était ouf. Bon les amis, dans tout ce bordel, dans tout cet humour, dans toute cette rigolade du soir là, et vos messages 0492 222 002, j'ai eu le plaisir d'accueillir Hayat ce soir. Salut Hayat. Bien bonsoir, monsieur. Hayat Nakamura dans la maison. Bonsoir Hayat, bienvenue. Je m'appelle Vince, l'animateur de cette émission. Et Hayat, on peut se tutoyer, tu sais. Hein, tu nous as appelé pour quelque chose de particulier, en fait, qui est assez étonnant. Tout à fait. Dont on n'a pas du tout l'habitude dans l'émission. Non. Et explique-nous de quoi il en retourne, s'il te plaît, Hayat. Mais tout simplement, voilà, j'ai 54 ans. Je suis condamnée. Oh, putain. Ça, c'est une punchline, ça. Ouais. Bon, et alors? Ah non, mais tu le prends, mais non, bien sûr. Non, mais bon, c'est pas ça, mais tu le prends avec tellement de sourire déjà. Le problème, c'est que j'ai une fille qui est fan, mais super fan de vous tous. Oh! Ah ben c'est super cool ça. Ouais. Ouais. On lui fait un bisou. Bon, ben, j'ai jamais trouvé ça cool, hein. Excusez-moi. Ah bah, si vous n'avez pas trouvé ça cool, désolé, mais en tout cas, nous, on trouve ça cool qu'elle est fan de nous. Non, mais je ne vous écoutais pas maintenant. Bon, ben voilà. Depuis quelque temps, je vous écoute. Je trouvais ça très cool. Ah, merci. C'est pas un compliment parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des compliments. Mais je me permets malgré tout de vous remercier. De rien. Et voilà. Et rien que pour elle, parce que elle vous écoute tous les soirs. Elle a ma permission de vous écouter. Et comme je suis quelqu'un qui va partir, je veux remercier ma fille. Pour la simple raison, c'est que, bon, voilà. J'ai beaucoup de problèmes. Bon, physiquement, elle doit me porter, elle doit me laver, elle doit laver la maison, elle doit faire plein de trucs. Bon, nez commentaires, comme dirait l'autre, mais voilà, et je voudrais la remercier énormément, et ça me fait plaisir de la remercier par rapport à quelque chose qu'elle aimait bien. Ben, c'est très gentil. C'est tellement bien ce que vous faites. Et je vous dis, c'est rare. C'est la première fois dans 10 ans de carrière radio qu'on a quelqu'un, que j'ai en tout cas quelqu'un qui passe à l'antenne et qui annonce ça, comme ça, clairement. Bon, j'imagine que vous avez toutes les infos du médecin et voilà, vous savez tout ce qui se passe, quoi. On est d'accord? Oh, ben oui, mais elle aussi. Elle aussi, voilà. Donc je suis rassuré qu'elle ne découvre pas à l'antenne que machin. Mais non, parce qu'elle s'occupe au quotidien de sa maman. Oui, c'est bien pour sûr. Ça qu'elle la remercie. Il faut être idiot pour faire ça. Mais bien sûr. Bon, ben, voilà, je me serais jamais permise de parler si elle n'était pas au courant. Mais en tout cas, c'est super bien déjà qu'elle soit là et qu'elle continue à vous aider. Moi, je trouve ça merveilleux. Et voilà. Et puis je vous sens bien. Je sais pas expliquer. Je vous sens épanoui en fait, Ayat. En paix. En paix. C'est ça. Mais vous savez, le bonheur, c'est d'avoir, des enfants qui vous aiment, qui vous montrent bien, que vous leur montrez. Et là, c'est l'explosion. C'est pire que le champagne et le caviar et le foie gras. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, je suis bien d'accord avec vous, vous savez, Ayat. Hein. Je me peux permettre, j'ai deux enfants et je croyais toujours que le bonheur passait par les voyages, par les sorties avec les potes, par le kiff. Alors chacun son bonheur, chacun trouve son bonheur un peu comme il veut. Mais c'est vrai que les enfants, c'est chouette. Je ne sais pas quel âge que vous avez, mais 54 32 ans, moi. Pardon ? 32 ans. Bon, c'est jeune, hein. C'est oh, vous savez, ma fille me dit « Ah, tu es vieux, papa !» Donc, voilà, c'est relatif. Mais... On a 32 ans, on n'a toujours pas mangé de caviar. J'ai fait des voyages. En fait, j'ai quand même fait deux fois le tour du monde. Ah oui, wow. J'ai vécu des trucs exceptionnels. Ah, vous êtes envoyé en l'air, ça se sent. Ça s'entend, vous avez beaucoup fait l'amour aussi, ça s'entend. Monsieur. Ah, formidable. donc, vous n'avez plus rien à prouver, donc du coup, voilà, vous êtes bien heureuse et c'est cool. C'est et on peut. Ça qui est la beauté. La vie est, au fait, un éternel recherche de soi-même. Voilà. Et bam vie, elle a pété. Non, mais il faut faire plein de trucs quoi, dans la vie. Si vous n'êtes pas capable, ben, soyez moine, hein. Voilà, ah bah bien vu, voilà. Ah bah c'est gentil pour les moines. Et bam. En tout cas, Ayat, si votre fille écoute en ce moment, bon, on la salue, on lui fait un gros bisou. Je dis respect de fait de s'occuper de ses parents parce que voilà, il y a pas mal de d'enfants qui mettent les parents dans ce que j'appelle un tiroir, c'est la maison de repos. Ouais, parfois il y a pas d'autre solution, parfois il y a pas d'autre méthode. Je pense qu'il y a toujours une solution quand c'est tes parents. Bah je pense aussi maintenant ça dépend l'ambiance, ça dépend l'entente et puis on n'est pas là pour juger. Si vos parents sont en maison de repos, c'est pas à nous de le dire. Il y a énormément de solutions, mais par moments, malheureusement, moi je suis une anti-home, mais malheureusement, par moments, quand ils ont Alzheimer, machin. Bien sûr, il y a des centres et tout ça, ouais, et c'est nécessaire. Il y a une solution, et malheureusement, il faut le faire. Et, il ne faut pas avoir. C'est le bien-être du papa. En tout cas, de la maman, Ayat, et c'est comme ça. Vous n'avez pas idée le nombre de messages qui sont arrivés. Pour vous remercier, pour vous saluer, voilà, Ayat, vous êtes très touchante. Pensez à remercier, ça n'arrive pas assez souvent. C'est le message. Bravo à la fille, bravo Ayat pour les remerciements à l'antenne. C'est ce qui est envoyé par Turadal Moons qui dit je te jure, elle m'a tué. Grand respect, dame de grande mentalité, honorable, qui a été envoyé aussi pareil. On nous dit vraiment, waouh, merveilleux, Vince, c'est dingue, c'est la première fois que j'entends ça à une radio et c'est fort et c'est certain. Mais en tout cas, Ayat, que tout se passe bien pour toi et que tout se passe bien pour voilà et garder le sourire, c'est le plus important comme tu le sais. Et continue de vivre ta mère Ayat. Sourire et je resterai avec le sourire, mais par contre je voudrais laisser un petit message. La personne qui m'a eu, un monsieur adorable avec une voix exceptionnelle. Nigel, c'est incroyable parce que les auditeurs vont dire quoi lui, mais oui lui Nigel effectivement. Mais écoutez oui, vous savez quand j'utilise ma voix comme ça. Qu'est-ce que vous êtes adorable. Ah, merci c'est gentil. Et ben vous êtes bien la seule à le penser. C'est là qu'on se rend compte que la madame est malade. Monsieur Ayat, merci pour ce moment. J'entends le sourire d'une dame qui est exceptionnelle aussi, rien qu'avec son sourire. Merci. Ah oui, c'est Thibaut qui a dit merci. Merci Ayat. J'entends sa voix. Merci Ayat. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est que ce qui est très très beau, c'est que Ayat, elle nous fait un hymne à la vie et son prénom, ça veut dire vie. Arrête, sérieux ? Oui, ouais. Ayat, ça veut dire la vie. Et tout c'est. Ça. Oui, madame est connaisseuse. Mais wow. Voilà, c'est hyper touchant. Merci beaucoup, Ayat. Mais vous savez quoi ? Même si vous n'êtes pas bien, relevez-vous. On le fera, on se souviendra de ce que vous dites. Vous savez où j'habite ? Non, c'est pas encore. Mais attendez, vous allez pouvoir me dire ça en privé, vous inquiétez pas. Ah, Durbuy, la belle nature. Ah bah très bien. Nigel arrive pour vous offrir vos derniers meilleurs moments de votre vie. Je suis très bien comme je suis. J'y crois pas que je fais de l'humour là-dessus. Non, vous avez raison. Voir les faire les sangliers parce qu'ils sont dans mon jardin, en fait. Ah, ah, ah bah, la chance. T'as bon appétit. Avec Nadia, ils sont dans votre lit. Ayat, un gros bisou à vous et que tout se passe bien. À bientôt. Également, hein. Au revoir. Merci pour ma fille, en tout cas. Merci avec plaisir. Beaucoup. Avec plaisir. Je vous remercie. Hein. Bisous, Ayat. Et grandis à vous. Hein. C'est gentil. Merci. Oula. Bisous, Ayat. Bye bye. Bonne soirée. Je te repasse ta meuf. Putain, elle est excellente. Oh là là. Eh, mais c'est la première fois que je fais de l'humour là-dessus. Et c'est beau, en fait. C'est chouette. Bon, les amis, on va parler des complexes après. On va se marrer aussi. Il y a des petits moments sympas à vous passer. Des bébés, je les connais, mais explosifs. Oh là là. Bienvenue sur Énergie. Vince est dans la maison. Oh, ça, c'est un moment unique, quoi. C'est dingue. To the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors, love is undercovers. I we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors, love is undercovers. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. Christelle, est-ce que tu es prête ce soir pour faire une blague à ta fille? Go. Nous allons jouer au prank de l'extrême, tu vas commencer à lui parler et j'interviendrai après. Le principe, c'est que tu vas lui faire croire que tu quittes son papa, tu quittes ton mari pour aller avec un Sénégalais que t'as rencontré sur internet, un truc dans le genre. Voilà. Et c'est moi. Et donc du coup je m'appelle Maury Diallo. Voilà. Dédicace. Comment ça se prononce? Maury tout simplement. Maury comme Maury. Un champignon. Voilà. Comme la sauce Amora mais sans le A. Donc Maury tout simplement. Diallo c'est sénégalais? C'est le sénégalais Diallo. Ah, oui. C'est sénégalais ça. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. Pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais. Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Voilà, c'est ce qu'on va vous passer tout à l'heure sur Énergie. Quand je me fais passer pour un Sénégalais là et que je commence à parler à ma future belle-fille, ce sera pour après là sur Énergie, tranquillou. Là, je vous ai passé vite fait le début, c'était très bien, mais comme ça vous comprenez l'enroule et vous savez de quoi il en retourne. Vince pouvait passer la friendzone d'hier, mais on n'a pas eu de friendzone hier, les gars. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de friendzone hier. Non, il n'y en a pas eu. On devait l'avoir et malheureusement, c'est tombé à l'eau, ça a fait plouf. Désolé, Ahmed. Vince, coucou, bizarre le champion Beveren Club de Bruges 2-1. Beveren a battu Club de Bruges 2-1. Bah, comme quoi, il faut toujours se méfier. Parfois, il peut y avoir des surprises. Hein. Et Mathéo, il nous dit quoi? Salut. Merci Mathéo. Salut. Il nous a fait un petit salut comme ça, tranquillou. Bon, dans la musique, on a Calvin Harris avec Sam Smith. Et puis avant ça, un bébé, j'ai déconné avant le prank de l'extrême. On a également des sujets, l'article 13 qui va revenir. Et bien sûr, avec Zenrila ce soir, on va discuter aussi. Ça arrive dans quelques instants sur Énergie. Vince dans la maison. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus chasamés en Belgique. Hit,

Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. Vince dans la maison et toute la team. J'espère que ça se passe bien tranquillou, là, 22h34, en direct, là. Merci à Virginie, là, qui est connectée. Il y a Thomas aussi. Il y a Ozil qui est là. Il y a Céline. Salut l'équipe. Premier message pour moi, c'est ma meilleure amie Charlotte qui m'a fait découvrir votre émission. On se motive avec vous avant de sortir. C'est Céline. Ben, Céline, merci pour ce message. Et dis-nous, tu sors où? Vous allez où, là, ce soir? D'ailleurs, les amis, si vous n'avez jamais, mais au grand jamais, envoyez des messages à la radio. Eh bon, on est là pour les lire en direct, là, ouais. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que les nouveaux messages, on les lit plus facilement que les anciens. Je vous explique pourquoi. Parce que les nouveaux, c'est des numéros qui s'affichent. Donc forcément, ça te marque. Quand il y a plein de prénoms qui défilent, bon, voilà, il y a Alex, il y a Ahmed, il y a Shawnee aussi, là, qui m'a envoyé un message. Vince, est-ce que je peux faire une friendzone? Ouais, pas de problème, on va garder ton numéro de téléphone, Shawnee. Aucun souci. Mais quand c'est un numéro de téléphone, ça attire l'attention parce qu'on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Et chaque jour, on a toujours, comme ça, plein de nouvelles personnes. Et ben franchement, c'est trop cool, quoi. Parce qu'on se dit, bon voilà, chaque jour, on a des habitués, on n'a pas forcément de nouveaux auditeurs, peut-être un. Non, en fait, il y a des centaines de nouveaux auditeurs tous les soirs. Et ouais, ma gueule. Et moi, je trouve ça méga fort. Donc, je vous donne le numéro de téléphone, ou plutôt Richard va vous le donner. Le numéro de téléphone, c'est le suivant. 0492 222 002. Allez, encore une fois pour la route. 0492 222 002. 0492 222 002 sur WhatsApp. Vous n'avez jamais envoyé de message à la radio? Testez, ça fonctionne. Parce qu'à chaque fois qu'on m'envoie un message, je lis toujours et après on me répond « Mais ça marche vraiment ?» Mais oui, c'est toujours comme ça, c'est ça qui est magique. Vin, c'est mon premier message. Je voulais juste tester pour voir si vous le voyez vite. Oui, t'inquiète pas. Je l'ai zioté. Salut Vin, c'est Jordan, ma belle-sœur Kayma t'écoute en ce moment. C'est elle à qui on a dit bon anniversaire en plus. Elle a 8 ans le 6 décembre, ce serait super gentil que tu lui passes un message. Mais j'ai déjà fait d'ailleurs. Joyeux anif. Il y a Lacha qui est connecté aussi. Oui, Guigui dans la maison. Il y a Gary. C'est Gary et j'aime ma famille. Quel beau message qui est envoyé. On attend les nouveaux venus là. 0492 222 002. Trey est dans la maison aussi. Ah oui, je précise parce que on m'envoie des messages sur le 3018, on me dit « Mais Vince, j'arrive jamais à te parler, comment je fais ?» Alors, il faut d'abord ajouter numéro à vos contacts, sinon ça ne fonctionne pas. Sur WhatsApp, c'est comme ça que ça se passe. D'abord le numéro au contact, dès que tu as écrit Vince, Énergie ou Vince, tout ce que tu veux, ou Vincent même, hein, et ben à ce moment-là, directement, on apparaît dans tes contacts WhatsApp et tu peux nous écrire un message. « Bonsoir, ça fait un bail que je vous écoute, je suis livreur pizza étudiant, malheureusement, j'ai pas percé comme MHD. » Ah ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il était livreur de pizza, lui. Ah oui, je savais pas du côté ça. De Bordeaux, je crois, il était livreur de pizza MHD. Et il nous précise « Et tous les soirs, grâce à vous, de 21h jusqu'à la fin de mon service, je vois pas le temps passer, continuez ainsi. » Et bah, franchement, si on te fait gagner du temps dans ton taf, et bah, tant mieux. Mais et oui. Je salue également... celui qui travaille pour la Soucheria, là, c'est un qui est venu me rapporter des sushis. Il écoute aussi l'émission. Un livreur, je le salue aussi. Le pauvre, j'ai oublié son prénom là, il va m'en vouloir. Vince, je commence mes examens jeudi. Ben bon courage, ça va, il te reste encore du temps là pour étudier. Il y a Fauzi qui est là, il y a Thomas, ça marche vraiment. Oui, Thomas, ça marche vraiment. On doit bientôt être 15 000 sur le WhatsApp. Non, pas encore. Vous êtes encore dans les 13 000, les amis. Paul est dans la maison. Les anciens, on est périmés, on veut plus de nous, mais pas du tout, Alex. Alors, Vince, Kanye, Hawk, Bellen. Grouches Eric qui a envoyé le message. Alors oui, on peut t'appeler si t'as envie de passer à l'antenne, c'est pas un problème. Hein. Salut Vince, Abdel est dans la maison, vous êtes les meilleurs, merci à toi. Vince, tu peux faire une dédicace à mon frère Léon, il écoute en ce moment. Et ben voilà, message bien passé. Il y a Aloïs aussi. Vous pouvez repasser le moment d'hier avec la triche parce qu'il y a eu une coupure de courant dans toute ma commune, j'ai pas écouté la suite. Ok, on va te gérer ça, on va te gérer ça. Et une autre vocale. Ton prénom là, il va m'en vouloir. C'est comme on dit chez nous. Il faut parler. Yabondi. Ah voilà, j'ai entendu. Yamundi, ok, merci. Yo les gars, c'est Faisal, go retrouver une petite femme. Merci de votre compagnie les gars, vous êtes géniaux. Merci pour ce message encore une fois là. Vince, c'est une petite boîte à ciné. Ouais, le Trébuchet, je connais, j'ai déjà été mixé là-bas, Cindy. Vince, je suis nouvelle sur le groupe. Big bisous à tous. C'est Afsa qui a envoyé ce message. Courage à Richard qui me dit examen, mais vous êtes trop nombreux le soir, c'est incroyable. Hein. Merci à tous, je vais continuer les messages juste après. En attendant, René, le professionnel, le convertisseur. Oui, le seul. La calculatrice, le convertisseur de stress, l'accumulateur et le transformateur d'énergie. L'homme qui vous permet de reprendre le contrôle de votre life, de vous faire arrêter jeux vidéo et à faire arrêter télévision. Non, je déconne, on va pas aller jusque là non plus. René, t'as dit quoi René? Moi j'ai arrêté. Toi t'as arrêté, tu regardes plus la télévision toi? Non. Jeux vidéo non plus? Non. Fini tout ça? Ouais. C'est bien. C'est tout, voilà. C'est très bien, c'est génial. Et tu jouais avant? Ouais. Mais les jeux vidéo, il y a longtemps, quoi. C'était quoi longtemps. À quoi tu jouais, toi? Moi, ça m'a fait rire l'autre fois parce que FIFA 98, moi, je jouais. Ah bah ouais, mais bien sûr. Ouais, je sais pas, les jeux de plateforme, j'aimais bien. D'accord. Crash Bandicoot, des trucs de style. Truc où tu dois sauter de plateforme en plateforme, un jeu de plateforme. Ah, c'est ça, mais comme dans Mario. Oui, c'est un jeu de plateforme, ah, Mario. J'adore. Voilà, c'est ça le délire. Que je préfère parce que ça va que dans un sens. Ouais. T'es pas omnibulé par dire attends, je dois aller à gauche, à droite, à 360 degrés. Non, ça va tout droit, à droite. Allez hop. J'adore. Simple, easy. Il y en a à 360, quoi. Il y a Tomb Raider, c'était. Ça allait dans tous les sens. Ça pique aux yeux. J'ai rejoué à Tomb Raider 1 et 2, ça pique aux yeux, ça fait mal. Sérieux? J'ai eu mal de tête, je te jure. Je me suis dit, oh mon dieu, les graphismes, ça. En fait, tes yeux sont plus habitués à ça, et alors du coup, ils font un effort pour essayer de capter, parce que c'est pixelisé, c'est moche, et alors qu'avant, tu jouais. C'était génial. C'était ouf. Déjà, ce que c'était à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a eu un auditeur, enfin pas un auditeur, un gars fait une blague à son pote, qui, en fait, dans la blague, on lui a dit à un moment donné que c'était énergie, le mec il avait rien à foutre, il était dans son jeu console depuis longtemps. Ah oui. Un peu de ça, c'était même une limite choquant parce qu'on lui dit t'es en direction énergie, toute la Belgique t'entend, même les pays frontaliers t'écoutent, et le mec genre ah, mais je suis dans ma partie. Je te jure, il était tellement dedans, je me suis dit waouh, est-ce que t'as déjà été contacté par des gens qui veulent arrêter les jeux vidéo et tout ça? Ouais, non, moi j'ai déjà travaillé sur pas mal de gens comme ça. Wow. Souvent c'est une addiction comme une autre, c'est pour s'échapper de ta vie. Voilà, c'est pour une sorte un truc de qui est insupportable, un truc qui est douloureux, et donc ça c'est un mode de chef fixe, quoi. Ah, c'est toujours comme ça, c'est un dénominateur commun. Mais quand c'est de nouveau une addiction, c'est problématique, tu vois, parce que il y a pas quelqu'un qui a pas de problème, qui peut genre adorer les jeux et être complètement addict. Bah regarde, moi j'adore, mais j'y joue pas. Il y a des types, c'est leur boulot par exemple. Oui. Mais ils savent que ben voilà, au bout d'un moment, quand c'est le moment de d'être avec sa femme ou d'être avec son fils, quand t'es un adulte, mais c'est plus difficile quand t'es un ado. Ça dépend. Maintenant, c'est vendredi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en train de jouer, donc on parle pas de vous, hein, forcément. Pas vous, mais attends, super. Voilà, mon PlayStation, c'est Vince Radio, comme VNZ Radio. Je fais ma pub, hein, comme ça, voilà. Comme ça, tout à l'heure, je joue online, à Red Dead, tranquille. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des complexes. Ouais. Les complexes, concrètement, c'est quoi, Zenry, là, au cas où que, voilà. Alors, les complexes, c'est quand. C'est un peu une illusion, quoi. Une illusion. Oui, parce qu'il y a un truc qui est très fréquent chez les gens qui sont complexés, c'est que souvent, il n'y a pas de raison d'être complexé. Il y a des gens qui sont, qui sont vraiment petits et qui se sentent petits. Mmh. Hein, donc là, tu te dis, bon, ça a du sens. Mais il y a plein de gens qui se sentent bêtes, qui se sentent moches, qui se sentent gros, qui se sentent trop maigres ou quoi. Et en réalité, c'est pas vrai. Moi, j'ai des gens qui ont eu des doctorats, des masters, des choses comme ça, et qui se sentent bêtes, qui sont complexés parce qu'ils se sentent bêtes. Donc souvent, c'est un point de vue perturbé de la réalité. Mm-hmm. Et ça vient d'où, ça, généralement? Mais à un moment, ils ont c'est cru dans la comparaison. Quelque chose. C'est dans la comparaison. Non, pas spécialement, c'est l'image qu'ils ont d'eux. Alors l'image, ils ont pu la construire tout seuls, ou quelqu'un a pu leur dire des choses. Quand t'es petit, on dit que t'es con. Quand par exemple, c'est une croyance. Ouais, t'as les cheveux gras, alors toi tu crois que ça y est, tu complexes sur tes cheveux par exemple. C'est une croyance, par exemple, ne pas être bon en maths, c'est une croyance, ça n'existe pas ça. C'est vrai, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça n'existe pas. Moi, ça a été mon complexe à l'école, c'est les maths. J'étais persuadé que dès que j'avais mal, je me dis c'est bon, je vais foirer, je suis trop nul en maths, etc. Moi par exemple, quand j'étais en première humanité, un jour, j'ai dit au prof de maths que je comprenais pas. Je dis, je suis désolé, je comprends pas. Il m'a dit, vous comprendrez l'année prochaine quand vous aurez doublé. C'est horrible. Et j'avais des super mauvais points. Ouais. Et après, j'ai passé mon jury central. Mm-hmm. Et le type, il me dit, mais t'es sûr que t'as pas été plus loin en maths? Mais le type, c'était un jeu. Et à la fin, des fois, on faisait des courses de résolution de système de deux équations. Et des fois, je le battais. Il y a une mauvaise appréhension du truc, mais souvent, l'école, ça casse. Hein. Si on te dit, si par exemple, il y a deux frères, il dit, oui, mais bon, lui, il n'est pas bon en maths. Ouais. Il n'est pas bon en maths. Eh bien, hein, il le croit. Et c'est à la fois la personne, la victime, entre guillemets, et la personne qui parle. On a fait plein de tests avec des profs où on a fait faire des exercices, des tests aux élèves, et on a donné les mauvais résultats aux profs. On a dit, mais tous ceux-là, ils ont super bien réussi, et tous, ils sont au niveau génie, et ceux-là, ils sont nuls. Ouais. Et ils se sont rendus compte que tous ceux qui avaient eu les points niveau génie, que seulement les profs avaient vu, leurs résultats augmentaient. Parce qu'on les traitait différemment. C'est incroyable. Wow. C'est très donc, puissant comme ce que je viens traite, de dire. Comme on les traite différemment. Je vais devoir noter ça, tiens, c'est intéressant. Comme on les traite différemment, eux se comportent différemment. Ils se créent une identité. Et le problème, c'est ça, c'est quand tu crées une identité de moche, de gros, quand. Des fois, il y a des parents, des frères et sœurs qui traitent tout le temps les gens de gros. Mmh. Et des fois, t'as des gens qui sont, je sais pas, ils sont peut-être 3 kilos en plus et sont persuadés qu'ils sont énormes, quoi. Ouais, c'est vrai, souvent c'est comme ça, c'est ouais. Dingue. Et donc du coup, on va poser une question, mais attention les amis, je précise bien que c'est anonyme, hein, donc je vais pas lire vos prénoms au cas où que vous avez pas envie d'être reconnu. De toute façon, bon, voilà, des prénoms, il y en a des tonnes hein, dans la vie. Des Vince, il y en a plein, des Lara, il y en a plein, des Nigel, il y en a qu'un. Et il y en a aussi. J'adore parce qu'on nous dit Nigel le fragile, c'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer son premier message à la radio et lui, il voit tout de suite Nigel le fragile, mais c'est pas cool ça. Mais pourquoi Nigel le fragile? Je sais pas, c'est le premier message qu'il envoie à la radio. Mais peut-être parce que tout à l'heure, t'as été touché. Par la madame. Ah oui, par la dame. Ça, c'est vrai, mais c'était beau. Si tu veux, son nom, c'est... Samy est dans la maison. Voilà. Encore un énergie. Alors, bon, juste un truc. Dites-nous quels sont, on va être honnête là ce soir, quels étaient ou quels sont vos complexes? On va en parler. Est-ce que vous êtes complexé? Ceux qui écoutent la radio en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, je sais pas, d'un point de vue physique ou alors peut-être d'un point de vue mental, parce que le complexe peut être mental aussi hein. Moi j'ai complexé des maths pendant des années, je crois que j'ai jamais dépassé ça en plus hein, parce que moi les maths j'ai horreur. Et ben dites-nous quoi sur WhatsApp 0492 222 002, est-ce que vous avez un complexe? Je me tourne vers Thibaut. Est-ce que t'as un complexe toi Thibaut? Ma taille, pas mes cheveux. C'est vrai ta taille? Ouais, c'est vrai que t'es petit hein. Ouais, je suis 1m61. Je rajoute. Sérieux? Tu fais combien de 1m61. Tu sais que t'es plus grand que Nicolas Sarkozy qui était à 1m60. Ah, ça fait plaisir. Et t'as la même taille que François Hollande. Ah, merci, ça me Non, mais imaginez que François Hollande, mets-toi debout. Ah, pourquoi un peu. Tu me compares à tous ceux-là? Mais non, c'est pas ça. C'est juste que tu peux aller loin, tu peux devenir président. François Hollande, le mec, en fait, s'il était dans notre studio, il serait. Et Sarkozy. Voilà, ouais. Il serait comme ça en fait. Tu vois, pas impressionnant du tout. Alors que t'es juste dans le mauvais pays quoi. Tu vas en Asie ou en Amérique du Sud, ben t'as la taille normale. Moi quand je vais ici, je vais au Pérou, je me sens grand quoi. Ouais, et chaque aussi. Fois que je reviens ici, je me prends un. Et c'est dingue. Dans la gueule, je fais 1m83. Bon, c'est basique, simple, ouais, basique, simple. Aurélien Sane bientôt sur énergie. Et en fait, quand je vais au Japon, laisse tomber. En fait, je capte que je suis grand quand je suis dans le métro. Je suis plus haut que tout le monde. Il y a une foule et je vois toute la foule, je vois tout au fond, tu vois, c'est particulier, et c'est bizarre. Tous tes aisselles quoi. Ouais, grave, complètement, t'as vu ça, en plus j'adore. Je pue bien. Non mais sérieux, en plus par exemple quand j'avais été avec ma copine et tout là-bas au Japon, à l'époque, c'était trop bizarre parce que en fait, j'ai l'impression que ma copine était genre balèze, elle était forte, musclée. Parce que, par rapport aux japonaises. Donc en fait, c'est vrai que c'est ridicule de se penser complexé par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour ça alors du coup, Thibaut? Grande de l'huile de ricin. Manger ses croûtes. Des croupies au cul, bordel. À part péter ses tibias et rajouter des morceaux de fer. Oui. Alors, chaque fois, on revient au même truc. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent quand il se sent petit, quand il se sent dans cette situation-là, c'est qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et s'il peut dégommer cette sensation, son complexe, il est terminé. Ce serait fort, ça. Qu'est-ce qui fait que tu te sens petit, en fait? Bah, juste être à côté de vous, en fait. Hein. Ah bon hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu ressens quand tout d'un coup, tu te rends compte que t'es plus bas que l'autre? Non, et surtout, moi, je pense que c'est depuis qu'il avait la taille de la bite dédiée et que c'est aussi grand que lui, il a peur. Voilà. C'est dit, fais-moi du don d'organes. C'est vrai, quelle est la sensation? Est-ce que tu te sens diminué juste par rapport à une taille? Bah ouais, parfois je me sens le petit frère. Ah. Non, mais tu l'es. Ouais. Non, mais si, mais bon, quand t'es plus jeune que moi, donc t'es jamais, mon petit frère. Jamais le premier, quoi. Jamais le. Ouais, c'est ça. Je suis même le grand frère de mon petit frère et il est plus grand que moi, tu vois. Donc, je suis vraiment le plus petit de la famille. D'accord. Et quand est-ce que tu as commencé à te sentir complexé par rapport à ça? Bah une fois que j'ai arrêté de grandir, du coup, vers 17 ans. T'as fait du sport ou t'as Ouais, fait... je fais du basket, c'est ça le comble. Tu cherches, là. Le mec, en fait, il passe en dessous des jambes des gens. Bah, c'est une technique, hein. Je sais plus quel basketteur avait fait ça à l'époque. Maxi Bones. Ah, voilà, c'est ça. Sinon, attends, on va revenir à toi, Thibaut, mais je vois, Vince, moi, les maths et mon physique, je suis trop gros, qui est envoyé. Par mes fesses, je suis complexé par mes fesses. En un an, j'ai pris 4 ou 5 kilos. Et depuis, un vrai complexe qui est envoyé et un message de Didi. Mon complexe, c'est d'être gros. J'ai beau faire des régimes, j'ai beau faire attention à mon alimentation. J'ai beau faire du sport, parce que voilà, maintenant, ça fait déjà un petit temps que je suis suivi. Bah, honnêtement, je perds pas de poids, j'en prends encore plus. Ça, je suis pas d'accord. C'est-à-dire pas d'accord. Étant gros, je suis pas d'accord, ça, c'est juste une excuse qu'on se donne. Parce qu'en vrai, moi, je le vois à chaque fois que je fais vraiment attention à mon alimentation, pardon. et que je commence à faire du sport, même pas faire du sport, juste faire attention à l'alimentation, ben ça te fait ça dépend ton métabolisme. Non, vraiment. Parce que, ben non, mais genre, parfois, quand ils disent, ouais, je fais attention, ils vont manger genre 3 kilos de raisins, mais des raisins, il y a du sucre dedans. Oui, alors c'est sûr que faire attention avec l'alimentation de 2018, on te fait croire que tu manges une pomme dans la journée, c'est bon, et ta pomme, voilà, bien sûr, il faut vraiment faire un choix alimentaire, mais parfois, dans ton métabolisme, t'empêche de prendre du muscle, comme ton métabolisme t'empêche de perdre beaucoup de gras, en fait. Ça dépend vraiment des corps de chacun. Le problème n'est même pas. On se rend compte maintenant que le problème n'est pas au métabolisme, c'est la résistance à l'insuline. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est, ouais. C'est pour ça que pour le moment, le jeûne intermittent a énormément de vent en poupe, parce que c'est ça qui permet de baisser les pics d'insuline et que ton corps puisse aller taper dans les jeûne intermittent, c'est-à-dire pendant une bonne période de la journée, ne pas manger. Ouais, ça veut dire le jeûne le plus bas, c'est 16 heures sans manger et 8 heures pour manger. Ça veut dire que tu sautes le petit déjeuner, quoi. Voilà, c'est ça. Tu arrêtes de manger à 8 heures et tu commences à manger vers 1 heure de l'après-midi. Un autre message qui est arrivé. La taille de mon pénis a toujours été le plus gros de mes problèmes parce que souvent je défonce la meuf. Je savais, je m'y attendais, je sentais la blague. Sûr. Je sentais alors on a senti à des kilomètres. C'est sa langue qui est trop grande. Voilà, Vince, mon ventre poilu, bah tu le rases. Hein. Alors il y a Joe qui nous dit une demoiselle, mes oreilles et pieds à cause de moqueries de mon géniteur quand j'étais petite, ça marque toute une vie. Ouais, tout à fait. C'est le truc, c'est que. Tu dois te rendre compte que tout ce que tu sens et tout ce que tu vis aujourd'hui va dépendre de deux choses. Ouais. C'est les images que tu vas te mettre dans la tête et les mots que tu vas utiliser à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'à un moment, quand on était petit, et on croit toujours ses parents, son père disait ça, elle a fini par le croire. Et quand elle voit ses orteils, il y a grande chance qu'elle entende peut-être même la voix de son père à l'intérieur. Oh, c'est dingue. Et, ou qu'elle se dise des choses que son père avait l'habitude de se dire. À partir du moment où tu peux dégommer ça, tu as déjà fait une grosse partie du travail. Donc c'est accepter déjà que le père l'ait dit et puisse dire, bon voilà, bah, tu sais quoi, on oublie, mais c'est pas facile d'oublier ça. C'est... Pour oublier. Le truc, c'est merci que Kenji. Le problème, c'est que c'est dur de le faire avec simplement la logique. Ouais. Il faut vraiment aller réécrire ça dans l'inconscient et transformer ça à l'intérieur de soi. D'accord, parce qu'il y a plein de messages, hein, Vince. Moi, je fais 1m63, donc je suis complexé sur ma taille et ça joue sur mon boulot. C'est ce qui a été envoyé. Je suis un peu petit et gros et nul en néerlandais. Voilà, c'est ce qui a été envoyé. Vince, moi, mon complexe, c'est que j'ai un pectus excavatum, je vais y arriver, qui n'est pas très prononcé comparé aux autres personnes qu'on voit en photo, mais qui me complexe quand même. La musculation m'a beaucoup aidé à résorber ce petit creux au niveau du thorax. Ah oui, c'est pectus c'est qui va vers l'intérieur, le sternum qui va vers l'intérieur, ouais. Comme ça. J'ai quelqu'un dans ma famille. T'entends comment ça. Tu viens de dire oh, c'est dégueu, il vient de dire. Non, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui a ça. Hein. Ah bon? Et du coup, il cache des pièces là-dedans. Putain, il est con, lui. Vince, moi je suis un petit tout grand risé. Ah oui, quoi et, ah ouais, les tout grands rient quand je passe devant eux et ils disent oh, il est trop chou. Putain, pauvre Aloïs, quoi, qui nous envoyait ça. Je lis un petit peu tous les messages, j'ai vraiment pas mal de complexes différents qui arrivent. Yo, la Mifa, mon complexe, c'est mon corps. J'ai un léger surpoids et je pense que ça joue sur ma relation avec ma copine car on ne couche quasi jamais ensemble. Oh. Elle me dit que non, mais moi, j'y arrive pas à y croire. Non, mais c'est dingue, en fait, c'est vraiment ça. On a une représentation de notre propre tête. On est persuadé que les autres pensent comme ça. Par exemple, ma meuf, elle a aussi un petit complexe au niveau de ses fesses. Elle se dit ah, je me trouve maigre. Non, je me trouve grosse, pardon. Grosse. Et de temps en temps, elle me dit je me trouve grosse. Et moi, je dis mais non, absolument pas. Et si. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je suis sûr que tu me trouves trop grosse. Mais non, jamais. Enfin, tu vois. Ah non, mais ça, c'est spécial. Et il y a plein de gens qui vivent des trucs dans le genre. Mais concrètement, au-delà de te contacter, parce que toi, on sait que t'es le soigneur, toi, t'es capable de faire des trucs dans le genre. D'ailleurs, faudrait peut-être travailler sur Thibaut pour qu'il sorte mieux avec sa taille, hein, le pauvre. Thibaut, il faut lui faire la phobie des hauteurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une grue là et que. Un jour on va faire ça. Hein, tu sais quoi Je crois que c'est en lien avec ma taille. 2019, on va faire un chouette truc. On va le faire sauter de très haut. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, si. T'inquiète pas, on va faire l'avant, l'après. De la tub ID. Voilà. Non, ça c'est une liane, ça. Vince, mon complexe, c'est d'être liégeois. Allez les mauves, qui a été envoyé là. Putain, il est ouf lui. Et le truc, c'est que ce genre de complexe amène à le système de croyance limitant le plus fréquent dont j'ai déjà parlé ici, c'est le « je suis pas assez bien ». Je suis pas assez bien, on en parle tout de suite après Alice. C'est On The Roof, t'as quitté la planète, bienvenue sur Énergie. Frais. Dans la playlist Énergie. Salut, c'est Alice On The Roof. Alice On The Roof. Vous écoutez mon nouveau hit sur Énergie. Oublie les mots d'amour. Oublie les beaux discours. Pour tirer ton cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non mais t'as quitté. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon cœur est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur. Et ta fille et ta mère, toutes celles qui sont les sœurs. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Et Vince, c'est dans la maison. Mais pas tout seul, puisqu'il y a également Zenrila qui est dans la maison ce soir. Zenrila.be, Zenrila sur Instagram, Zenrila sur Facebook, Z-E-N-R-I-2-L-A, bien entendu. Sur YouTube surtout. Surtout sur YouTube, sur effectivement. YouTube, vous avez 3 vidéos par semaine. Ah, c'est beaucoup! Mais ouais, mais j'ai lâché Instagram TV. Instagram TV, j'en faisais 4 en plus, j'en faisais 7 vidéos par semaine. Ah ouais. Instagram TV, ça n'a pas donné des masses. Non, mais moi non plus, hein. Insta TV, personne. Non, mais en fait, Zenrila, comme il voyait qu'elle avait 3 vues sur Insta TV, il s'est dit putain, il n'y a personne en fait. Et t'as dit quoi? Comme il voyait qu'il avait que 3 vues, c'est dans un particulier. Ah ouais, sérieux? Non, t'avais pas ton casque, donc t'as pas capté. Ah, même. Désolé. Ouais. Ah non, tu t'entends, donc c'est mieux. Ouais. En tout cas, on est là pour parler de complexe avec toi et nous avons des réactions à l'antenne, à savoir Tim qui passe à l'antenne. Salut Tim. Allô Tim. Tim, est-ce que tu m'entends? Tim, je ne t'entends pas bien du tout. Je te repasse au standard là pour voir si la connexion peut être un petit peu meilleure. Vince, ma taille, je suis le plus petit de la famille là, et ça me complexe. C'est le message qui a été envoyé. Il y a vraiment beaucoup de gens, c'est niveau de leur taille et tout. Mais ouais. Bon, la taille, c'est généralement parce que tu te compares. T'arrives dans un endroit et toi-même tu remarques que t'es plus petit que tout le monde et voilà. Bon, c'est pas. Alors, il y a des avantages à être petit, comme il y a des inconvénients. Bref, c'est souvent gage de moquerie et tout ça. Mais comment dépasser ça? C'est être grand aussi parfois. Être trop sens, grand, c'est vrai. Il y a plein de filles, ouais, par exemple, plein de filles qui rêvent de faire 1m75 ou plus. Et en fait, moi, j'ai des copines qui sont super grandes et qui disent, mais en fait, j'aimerais bien être plus petite. Alors, c'est ce que nous dit Charlotte en ce moment même. Charlotte me dit, ma taille aussi, 1m80 pour une fille, c'est assez ennuyant. C'est, ouais, mais alors, du coup, si tu vas, par exemple, aux Pays-Bas, bah, ta taille va être normale, en fait. Hein, ouais, c'est vrai. C'est ça qui est drôle. Les filles qui se sentent mal quand elles sont grandes, c'est souvent parce qu'elles ont grandi assez tôt. Mm-hmm. Et donc à l'école, elles étaient plus hautes que les autres. Ah, oui, okay. Et c'est à ce moment-là que tu crées plus les complexes. Ah ouais, c'est pas, l'adolescence, c'est pas facile. Marque, hein. quand c'est vrai que moi, j'étais jamais, quand il y avait une fille plus grande que moi en taille qui venait me parler, genre, ah salut, je t'aime bien, et tu vois le délire. Tu pouvais pas? Je pouvais pas, non. Mais c'est sérieux? Je pouvais pas parce que j'avais l'impression, tu sais, qu'elle était plus grande que moi en âge. C'était, je sais pas, c'était malaisant. Ouais, okay, ouais. Mais tu sais, on a toujours un peu ces clichés dans la tête, genre ouais, mais non, voilà, moi je dois être avec quelqu'un de ma taille ou alors une fille plus petite que moi, tu sais, un peu ce côté masculin, nous les hommes, on se met au-dessus, etc. Enfin, le vieux cliché. Et c'est vrai que c'était malaisant quand une fille plus grande que moi est intéressée. J'arrivais pas, j'étais non. Et je peux comprendre. Oui, peut-être c'est ça, peut-être impressionné, peut-être peur du regard des autres, genre alors comment ça petit avec ta grande perche, tu vois des trucs dans le genre. Je pense que c'est non mais tu sais les jeunes, ouais, les enfants sont méchants. Les enfants peuvent être enfin les adolescents peuvent parfois être violents et tout, donc du coup on se préserve hein. Giuseppe, il lui dit quoi? Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ce complexe, Zenerida? Parce que honnêtement, ça fait quelques temps que j'y travaille dessus, mais ça change rien. Lui complexé par sa taille et ça joue sur son boulot, il fait 1m63. OK. Donc il y a deux manières de régler les problèmes. De la même manière qu'il y a deux manières d'avoir les problèmes. C'est où tu as un événement fort en émotion et où tu vas créer ce complexe. J'aime bien cette musique. Et donc, du coup, pour le régler, c'est quand on vient en séance avec moi, ben, on y va à fond, il y a beaucoup d'émotions qui sortent, on travaille et tout. Ou par la répétition. Généralement, il y a énormément de trucs qui sont par répétition. Tu as dit plusieurs fois. Et donc, comme le truc que j'avais donné quand, pour les gens qui ne se sentent pas assez bien, à un certain moment, tu peux essayer d'aller à l'opposé et te le répéter plusieurs fois. Ou dire la manière dont tu te sens, dont tu veux te sentir, à l'inverse généralement de la manière dont tu te sens, mm-hmm. et te la répéter tous les jours. Comme quand j'avais parlé du complexe de ne pas être assez bien, c'est par exemple choisir un truc qui nous parle, je suis au top, je suis génial, je suis magnifique, et le mettre partout, et l'écrire partout. Et au bout d'un moment, ton inconscient, il va saturer de ce message-là. Il va commencer à fonctionner par rapport à ce message-là. J'ai oublié donc, que tu avais conseillé ce truc-là. Là. J'ai commencé à le faire un jour, j'ai perdu mes post-it. Et alors du coup, j'ai parfait... Pourquoi ça me surprend pas? Je suis nul, j'ai perdu mes post-it. Oh mon Dieu, je suis une merde. C'est se répéter un message à soi-même. Ouais. Et surtout, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, tout ce que tu vas sentir va dépendre de deux choses. Ça veut dire des mots que tu vas utiliser à l'intérieur de toi et les images que tu vas utiliser à l'intérieur de toi. Et donc, quand tu te rends compte que tu es occupé à te dire de la merde ou occupé à visualiser de la merde dans ton Netflix interne, il faut que tu t'obliges à changer d'image. Ou il faut que tu t'obliges à penser à autre chose. Mais ça marche. Mais ça, c'est un truc qu'il faut faire avec énormément de répétition. C'est pas facile, il faut vraiment C'est pas facile, c'est une programmation. Ok, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, c'est juste, hyper facile. À un moment, il faut dire « je choisis de ». Tu vois, tous les trucs, c'est pas facile, c'est parce que on va faire quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ouais, donc ton inconscient, il va mettre le frein à main parce que pour lui, ton inconscient, il doit te protéger. Mm-hmm. Par exemple, dans le surpoids, il y a énormément de protection dans le surpoids. Parfois, moi, régulièrement, j'ai dû travailler sur des filles qui avaient été abusées ou qui avaient été violées. Et à un moment, elles ont pris énormément de poids et elles avaient peur de perdre ce poids. Parce que si elles perdaient ce poids, elles allaient de nouveau être belles. Et si elles sont belles, c'est du danger. Parce qu'elles peuvent se faire violer à nouveau. Ça peut aller loin, c'est dingue. Ouais. Et donc, il y a plein de trucs derrière. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant de quand même travailler sur la cause. Mais si on ne peut pas, c'est trouver son... J'ai fait une vidéo sur YouTube, ça s'appelle l'émotion antidote ou un truc du style, où j'explique tout ce processus qu'on peut faire. Et vraiment, casser à chaque fois que tu es occupé à te dire de la merde à l'intérieur de toi, changer ça vers un truc positif. À un moment, tu t'assieds et tu dis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on me dise? J'aimerais bien qu'on me dise, ouais, t'es comme ci ou t'es comme ça. Et donc, tu définis l'image aussi. Et dès que t'arrives ces images, tu reviens et tu dis l'inverse. Avec la répétition. Mais se répéter tout le temps la même info et l'écrire, il faut l'écrire alors. Hein. Ouais, tu peux écraser l'ancien système et... Je suis grand et beau, tu écris partout si t'es complexé dans ta taille. Plus la manière dont tu veux te sentir. D'accord, on arrive tout de suite sur l'énergie. Bougez pas les amis, on arrive. le soir. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Et bien sûr, on est là. Les amis, c'est le week-end. Oh là là, vous allez vous poser, vous êtes bien. Le kiff, ta copine. Explosif. Magistral. Qui s'est passé il y a quelques jours avec Logan qui a appelé son pote Jason et a fait croire à Jason qui est son pote, du coup, qui kiffe sa copine et que sa copine est là actuellement à la maison et qu'elle est sous la douche. Enfin, je vous dis pas le. Je vais pas vous spoiler, mais c'était un bordel pas possible et ça arrive dans quelques instants. Il y a un message très intéressant qui est arrivé d'une personne qui nous avait jamais envoyé de message qui s'appelle Claire. Salut, et Claire nous a écrit j'ai 20 ans et quand j'étais petite, on se moquait tout le temps de mon poids. Mes parents m'ont amené des dizaines de fois chez les diététiciens pour maigrir. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis boulimique vomitif, à un stade très avancé, plus ou moins 5 fois semaine et parfois plusieurs fois par jour. Des dizaines de sports par semaine, des dizaines d'heures, j'imagine. C'est beaucoup, des dizaines, c'est beaucoup. On parle en dizaines d'heures de sport par semaine, c'est vraiment beaucoup. J'ai fait 53 kilos pour 1m63. Je fais actuellement donc 53 kilos pour 1m63. Je suis toujours persuadé d'être énorme. Je suis extrêmement mal dans ma peau. Alors, je viens d'aller voir sa photo. Elle est tellement belle. Vraiment. Lara, je voudrais ton avis en tant que demoiselle. Bah, c'est une fille magnifique. Elle est. René, avec on est d'accord. Un corps superbe. Ouais, c'est belle. Tu es vraiment Claire, très très belle. Alors Thibaut, on est d'accord ? Ouais, tout à fait. Voilà. Je préfère les blondes. Hein. Oui, bon, toi, ferme ta gueule. elle préfère les grandes. Donc. Ah, on peut pas prendre des centimètres partout. C'est ça. Oh. Y a que les filles qui ont compris apparemment. Et donc du coup, c'est dingue. Elle se sent très mal dans sa peau, voilà, à cause des moqueries. Donc comme t'as dit, comme tu l'as précisé, parce qu'on a été coupé malheureusement, il faut pas hésiter de faire cette méthode de se dire des choses positives à soi-même, ouais. Constamment. Dès qu'on a des idées négatives, genre oh, je me trouve pas belle, non, ça, se dire je suis belle, mais c'est difficile. J'avais dit là tout à l'heure, c'est difficile. T'as dit ouais, mais c'est une programmation. Mais à un moment donné, si on doit déprogrammer tout ce qu'on a appris, que la télévision nous a appris, que l'enfance nous a appris, que nos parents nous ont appris, c'est quand même difficile malgré tout comme travail. Ça se fait pas en claquant des doigts, même si toi, je sais que t'y arrives. Hein, On est d'accord, mais le truc c'est que qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ? Tu continues ta vie comme ça ? Non, c'est sûr. C'est comme pour le sport, c'est comme les kilos que t'as perdus, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Mais t'as choisi de le faire et tu l'as fait. Et maintenant t'es content de te faire chier. C'est pas. Ça fait quoi ? Ça fait 3 mois que tu fais ça ? Je perçois même plus ça comme quelque chose de négatif. Au contraire. Mais donc, j'ai besoin de faire ça. 2 choses. La première chose, c'est que le surpoids, c'est super émotionnel. Il y a énormément d'émotionnel là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a régulièrement des gens qui viennent me voir. On travaille sur des trucs rien à voir. Et tout d'un coup, ils me disent ah, c'est marrant, sans me rendre compte, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 3 kilos, j'ai perdu 7 kilos. Parce que le fait de lâcher les trucs émotionnels, tout d'un coup, tu peux éliminer les couches de protection et le surpoids et ou la raison pour laquelle tu t'empiffres. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison. C'est drôle parce que j'avais, au décès de mon père, tu sais, on a parlé beaucoup de ça, toi et moi, René. Voilà, mon père, je l'aimais beaucoup. Et voilà, comme n'importe quelle personne sur Terre, je pense. Enfin, ça dépend peut-être s'il y a des soucis. Et j'ai pris énormément de poids. Je crois que j'ai pris 10 kilos en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Wow. D'un coup, comme ça, alors que je me dis ça va, mentalement, je fais, voilà, je suis resté fort pour mes enfants, ce qui est normal en même temps, voilà, c'est la passation de pouvoir et après ça va, je veux dire, c'est la vie qui est comme ça, mais malgré tout, j'ai pris du poids et je m'en suis rendu compte après, dès que ça allait mieux, que j'ai pris le temps de travailler là-dessus, etc. Et ben, boum, voilà, le processus a commencé, moins 15 kilos, moins 14, en tout cas depuis le 6 août et puis ça continue. Bravo. Enfin, moins 14, l'idée c'était jouer. Je voulais pas faire de poids, je voulais juste faire du sport pour me sentir bien dans ma life. Et c'est vrai que ça fonctionne en fait. Et t'as raison, le fait de manger, en fait, manger, ça nous fait du bien. Ouais. Et donc c'est comme si on a un malaise en soi. Il faut qu'on mange pour évacuer un petit peu cette pression, ce stress, etc. J'ai l'impression que ça, quand tu manges beaucoup, ça stoppe ta pensée. C'est-à-dire que tu mets ta pensée dans quelque chose, voilà, qui est physique ou matériel. Tu te remplis, t'es rempli. Et je pense que les gens qui mangent beaucoup, moi j'ai eu ça à un moment donné dans ma vie aussi. À un moment donné, tu manges tellement que ta pensée, elle est plus claire. Donc tu peux pas penser à ta vie, à toi. C'est très difficile parce que c'est un espèce de cercle vicieux, quoi. Oui, et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi c'est comme si j'avais un vide qui s'ouvrait et il faut que je le remplisse. Oui, avec un maximum de choses. Et ça, c'est tout à fait émotionnel. Alors, il y a eu beaucoup de messages. Ce vide, il a une connexion. On va récupérer Tim dans quelques instants. Si je peux juste terminer un truc. Bien sûr, bien sûr. J'ai pensé tout à l'heure quand je parlais avec Lara, ce truc de répétition, ce truc de répéter, c'est un truc que... De se répéter les choses positives pour, voilà. Guérir les complexes. Ouais. Et alors, je fais une petite parenthèse. Ce qui est important, c'est pas de se dire je suis belle. C'est, ok, je me trouve moche, comment est-ce que je me sens? Et trouver une sensation que j'aimerais sentir à la place. Vaut mieux travailler là-dessus, tu vois. Pour le moment, je me sens pas c'est bien. C'est complexe ce que tu demandes. Non. Mais par exemple, si j'étais plus belle, je parle de mot féminin maintenant. Si j'étais plus beau, si j'étais plus grand, si j'étais plus fort, si j'étais plus belle, comment est-ce que je me sentirais? Je me sentirais relâché. Je me sentirais vraiment relâché. Plus en confiance, Et relâché, c'est comment? J'aurais les épaules plus tombante et tout. Et donc, tu as imaginé comment tu serais. Et à ce moment-là, au lieu de te dire je suis grand, je suis beau, je suis ci, je suis ça, c'est te mentaliser et te faire sentir cette sensation-là. Dis donc, c'est intéressant. C'est ça qui est plus efficace. Il faut pas écrire je suis beau, il faut écrire je suis relax, je suis aimé par mon copain, je suis. T'imagines si tous les êtres humains sur Terre faisaient ça, il y aurait plus de guerre. Le truc, c'est ça que j'ai pensé quand je parlais avec Lara offline. Oui, pas grave, offline, c'est bon aussi. C'est que on le fait toute notre vie, tout le temps, et on le fait pour nous. Ça veut dire que quand tu marches dans la rue, les pauvres femmes, il y a partout des photos de gonzesses qui font du 12, quoi, partout. Et au bout d'un moment, c'est comme ce que je disais avec les post-it. Le truc, c'est qu'à un moment, tu mets les post-it, tu les lis, et au bout d'un moment, tu les vois plus. Consciemment, tu les vois plus. Mais ton inconscient, il va faire une connexion neuronale à chaque fois qu'il va le faire. Mm-hmm. Et ça va être tellement le cas qu'après, il va avoir un post-it, tout simplement, et il va faire la connexion neuronale. Et c'est ce qui se passe quand tu marches dans la rue, tu vois plein de gonzesses, il faut qu'elles soient comme ci, qu'il faut qu'elles soient comme Instagram. Ça. Instagram, c'est une source de ça rend malheureux. Instagram me rend malheureux quand je vois du fake dans tous les sens. Tu scrolles c'est petit peu dangereux. Et les gens mettent que le meilleur côté de leur life qui est complètement construit. On le fait tous, on n'échappe pas à la règle. T'as envie de mettre le beau fil, t'as envie de mettre le beau petit moment, etc. Tu rentres ton phone pour la photo, j'en sais rien. Tu fais genre, je suis en voyage de business, etc. Et donc ça montre des vies parfaites. Donc t'as l'impression quand tu regardes l'Instagram de tout le monde, que tout le monde a une vie parfaite. Et alors du coup toi tu complexes encore plus à ce niveau-là. Ouais, mais Instagram c'est pas fait pour être moche, on est d'accord. Mais c'est-à-dire. Non mais genre quand t'as Instagram, tu peux pas faire un feed dégueulasse avec une vie de merde. Justement, tout le monde a envie d'avoir un beau feed, mais ça crée des malaises et ouais, des malaises. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais par contre, moi je suis des comptes Instagram, LT ou je sais pas quoi machin, de meufs en fait, qui postent deux photos, la photo qu'elle a postée pour Instagram et elle dans la vraie vie, mais au même moment. C'est cool ça. Ouais. Et j'adore en fait, ça a changé vachement. Moi, je regarde les mannequins de Rihanna là, qui ont des complexes, enfin qui sont. Mannequins de Rihanna. Oui, Rihanna, parce qu'elle a pris des filles. Rihanna travaille avec des filles pour ses produits de beauté. Mais qui sont grosses, super maigres, qui sont simplement des femmes normales et je trouve ça super bien et je suis ça et une certaine autre beauté en ressort. Mais c'est complexe, Instagram, c'est dangereux. Ça aide beaucoup. Hein. Il y a plein de comptes comme ça où les filles qui sont super belles, et ben elles montrent l'autre côté et tout d'un coup tu relaxes, tu dis moi aussi je serais capable de prendre une belle photo et puis dans la vraie vie j'ai des bourrelets, je sais pas. Mais l'accepter c'est pas facile parce que ça reste des minorités sur Insta. Oui René, après je lis des messages, il y en a beaucoup et je prends Tim à l'antenne aussi. Je vais dire un truc super profond et super important. Donc, écoutez. Attention, okay. Attention. Si vous voulez vous faire aimer, on va pas vous aimer parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes petit. On va vous aimer parce que vous vous aimez. Si tu t'aimes, on va t'aimer. Parce que si on t'aime seulement parce que t'es grande et t'as des gros seins, c'est pas toi qu'on aime. Ah non, c'est sûr. Donc si toi c'est ce tu que m'aimes, tu représentes. Si toi tu m'aimes, si toi tu te sens bien avec ça, c'est ça qu'on va apprécier, c'est ça qu'on va aimer. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Je crois que c'est les périodes où j'ai toujours eu plein de demandes de demoiselles, genre hey, salut, je suis intéressé. C'est toujours les moments où j'étais en pleine confiance de moi-même. Voilà, genre bonne nouvelle, nouveau taf, nouveau ci, nouveau ça. Tu sais, t'es en pleine maîtrise de tout ce qui se passe. T'es en contrôle de toi. T'es en contrôle de toi. Tu t'aimes, tu te respectes. C'est cool. Voilà, toutes les factures sont payées. Il me reste de l'argent pour la fin du mois. On va faire ça, etc. Tu t'aimes parce que t'es dans une bonne vibe, tout simplement. Mm-hmm. Et ben c'est comme si effectivement tu brilles. Et il se passe quelque chose. Par contre, les périodes où j'étais le plus malheureux, où j'étais le plus en galère, et j'étais putain, ça craint, ça va pas, etc. C'est le moment, je te jure, on me calculait mais vraiment pas quoi. C'est bizarre cette aura là dont tu parles. C'est ce que je te disais. Tout ce que tu vas ressentir va dépendre de ce que tu vas te dire et de ce que tu vas voir dans ton Netflix interne. J'adore l'idée du Netflix interne. Alors Najat nous écrit tout à fait d'accord, s'aimer soi-même, c'est l'amour absolu qui a été envoyé. Alors si les autres t'aiment, c'est aussi parce que tu sais rester toi-même, c'est ce qui a été envoyé. Vince, moi je suis complexé par mes oreilles, mais à force je m'y fais. PS, Nigel, je te kiffe, évade-moi ou sinon c'est pas drôle, c'est ce qui a été envoyé. Ta gueule. Alors Vince, il y a Galou qui me dit quand on est pessimiste de nature et qu'on a du changement d'humeur et de personnalité, est-ce que c'est important? C'est ce qui a été envoyé. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de lire. Si, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est négatif de base, ou peut-être qui est dans une famille qui est négative, etc. Mais changement d'humeur et de personnalité. Mais moi, j'adore ce que Zenry l'a dit là tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le choix. C'est une demi-seconde. Tu as le choix de partir en couille. Tu as le choix de te dire, tu sais quoi, là, je suis en train de venir parano. Là, je vais faire une connerie. Là, je vais emmerder mon copain pour ça. Eh ben non, je le fais pas. Et on a Tim à l'antenne là. Salut Tim. Tim est dans la maison. Sur énergie. Tim, alors mon pote, t'as un complexe, toi. On a ton tabu à l'antenne, mais ça a bugué. J'étais en vrai, je passe dans un trou, désolé. D'accord. J'ai un super complexe depuis que je suis. Je crois, ça m'a tâté quoi. Depuis que je suis gamin, je fais du foot. Mm-hmm. Et on a une règle dans les vestiaires, c'est tout le monde à Walp. Et de cette règle-là, je n'ai jamais pris ma douche avec le foot. Pourquoi? Le complexe de la douche, on appelle ça. Ah ouais. Je l'avais aussi. Je l'avais aussi à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, fuck, ça fait chier. Dès que je l'ai fait une fois, bah, je l'ai tout le temps fait. Au point qu'en fait, j'arrivais dans des endroits où j'étais le seul à poil et tout le monde mettait son caleçon. Et je me foutais de leur regard en disant, mais vous l'avez avec votre caleçon. Mais je peux comprendre parce que je l'ai vécu ça. Ah, moi, je trouve ça sale. Hein. De quoi? Les gens, genre dans un vestiaire où il y a plein de gens, de se laver à poil, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est bien plus dégueulasse de se laver tous ensemble avec des caleçons. Mais le but, c'est se laver, quoi. Bah oui. Donc tu peux juste lever ton slip, tu mets un peu de savon dedans, c'est bon, après tu changes de slip. Enfin. Mais t'es arrivé au monde à poil, mec, hein. C'est dans ta tête que c'est sale. Ouais, mais c'est pas pour ça que tu dois te mettre à poil devant les autres. Mais si c'est des douches, ouais. Bah, tu sais, honnêtement, je crois que Nigel, tu me connais là aussi, vous savez que j'ai pas aucun problème pour foutre à poil. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, que, quoi, ouais, c'est ça qui est un truc d'ouf, toi tu t'en bats les couilles. Ah oui, je m'en fous. Genre, par exemple, la radio, je peux mettre à poil maintenant. On va voir l'arrêt de tes fesses, quelqu'un va te faire la remarque. Dire, ah ben tiens, regarde ma bite maintenant. Ouais. Alors toi, tu t'emballes. Là, vous avez des infos sur moi, mais alors je sais pas si j'aime ça, mais j'ai aucun problème à me foutre à poil. Ouais, c'est bizarre, c'est particulier. Pareil. Non, mais c'est au point que je me balade chez moi tout le temps à Walpé à la maison. Chez toi. Et je passe devant ma fenêtre, sauf qu'il y a une école en face de chez moi. Je suis devant ma fenêtre, je bois mon café avec la bite à l'air, tranquille devant les grandes fenêtres, et tout d'un coup, j'y réfléchis, je dis. Ah ouais, mais c'est vrai, on peut me voir. Bon, attends, je vais un peu reculer, comme ça je suis pas dans l'angle de vue. Mais c'est vrai, et c'est drôle parce que ça a commencé la fois où j'avais peut-être 15 ans. J'osais pas prendre ma douche avec les potes, un peu comme Tim il a après le cours de gym. Et dès que je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous, je le fais. Dès que je l'ai fait, ça a changé ma life. Ah ouais. Ça a changé ma life. Depuis maintenant, tu veux te montrer à tout le monde, quoi. Grave, regardez-moi, d'ailleurs, regardez un peu. Allez, hop, ça, attention, vous êtes prêts? Arrête, ça va. C'est qu'à les caméras. Je vais pas faire ça parce qu'il y a un auditeur qui a son téléphone en main, donc on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Ouais, il croit que je l'ai pas grillé à l'arrière, là, il a son téléphone dans sa main gauche. Là, c'est keuf. On est, ouais, peut-être. Il est envoyé par l'école. Non, mais il est recherché par les keufs, par contre. Tim, de ton côté, il faut que tu nous expliques. C'est quoi? T'as pas envie d'être vu tout nu, ou alors c'est tes parties qui te gênent? Quand je vois celle des autres, c'est pas attends, parle de Tim, on t'entend pas bien du tout. Je sais pas si t'as mis un haut-parleur ou un truc dans le genre, mais tu... Non, là tu m'entends comme ça, là, ça va? Là c'est mieux, vas-y, je t'écoute. Ah voilà, c'est même pas le fait de pas me laver ni rien, c'est le fait de me mettre, enfin, depuis que je suis tout petit au foot, j'ai essayé, tu vois, de prendre ma douche à Walpé comme tout le monde. Mm-hmm. Et les moqueries, ouais, j'en ai une petite, et voilà, je sais pas, c'est une histoire. Je sais pas, c'est une image que j'ai depuis que je suis tout petit. T'avais quel âge? 7, 8, 9 ans. Bah ouais, mais c'est normal. Ton pénis a grandi entre temps. Non. Ah! Ah merde! Ah donc, ok. Mais wesh, mais gros, pourquoi tes parents ils ont greffé un petit doigt sur ta bite? Tu vois, ça y est, tu commences. C'est demander à mon père, ça serait la bonne question. Mais non, mais tu sais que peut-être c'est ça. Hein. Mais non, c'est peut-être son père qui a une petite bite. Hein. Alors, les gars, ça change quoi? Mon père en a une petite, ça, je le sais. Donc, ça, mais y a tu pas vois, de problème, et père. Ça se transmet. Non, mais ça se transmet pas forcément. Mais à côté de ça, Tim, tu sais, je vais dire un truc. De toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il en ait une petite ou qu'il c'est en ait une grande. C'est comment tu t'en sers, c'est ça que tu veux dire? Non, le problème, c'est là. Tiens, le nom de c'est l'impact que ça a sur lui. C'est quoi? Tu veux dire quoi, René? C'est l'impact que ça a sur lui. Ah, ok. Parce qu'il y en a plein qui ont des petites tubes et ils s'en foutent. Ouais, le problème, c'est les films porno. Ça nous complexe tous parce qu'on croit que la norme, c'est ce qu'on voit dans les films porno, alors que rien à voir. Je veux dire, t'as peut-être une personne sur mille qui a ça. T'as eu à y avoir ça. T'as dit quoi? Rocco Siffredi, il en a déjà pris pour avoir celle qu'il a. Oui, non, mais bon, voilà, en même temps, on n'est pas à l'abri qu'il est. Il n'a pas une. Je parie que. Il n'y a pas la plus grande du monde, ça, c'est sûr, mais. Moi, à côté de moi, j'ai Rocco Siffredi. Maintenant, tu sais, Tim, je vais dire un truc. N'importe quel mec peut faire genre, ouais, moi, j'ai une longue teub, ou je sais pas, un truc dans le genre. Face au froid, on est tous logés à la même enseigne. Hein. On a tous une petite teub, hein, quand on est dans le froid. Donc, sauf Eddy, lui, alors là, lui, ça change absolument rien. Mais c'est sa vision de lui-même. Bien sûr. Là, peut-être qu'il se sent pas assez homme, ou je sais pas. C'est sûr. On en parle juste après Soprano, les amis, avec À la vie, à l'amour sur Énergie. Il y a vraiment beaucoup de réactions là. On savait pas qu'il y avait autant de messages et autant de personnes qui étaient interpellées par ce sujet. Tim, mon pote, n'hésite pas. On va te dire un petit peu comment faire pour aller au-delà de ce complexe. On arrive dans quelques instants sur Énergie. Welcome. Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la la. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la la. She said, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Ouais, Zendrilla, retourne à ta place là parce que Vince est dans la maison. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire là, Thibaut, là, il est à côté de toi. Que je devais lâcher, laisser partir. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il faut que tu le fasses. Hein. Il faut que tu acceptes que tu dois être petit et que tu es petit et point barre. Leïla m'a envoyé une photo d'elle, mais incroyable. Leïla, vous la connaissez, très charmante demoiselle. Ouais, hein. De Star Wars. Je vous montre les photos. Voilà, elle m'envoie des photos comme ça, Leïla. Ah bon elle, ouais. Elle est très jolie. C'est une auditrice qui nous écoute très souvent. Elle nous écoute depuis son bain et tout ça. Eh bien, je vous montre Leïla. Il y a quelques années, que je trouve toujours tout aussi belle. Hein, oh, mais dis donc! Mais qui avait genre. De 40 kilos en plus. 40 kilos de plus, effectivement. Et je lis vite son histoire à Leïla. Elle nous envoie une note vocale en disant ceci. Moi, j'ai atteint la barre des 100 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Là, je vais encore en perdre 10. Mais il faut dire, faites les gens, on les emmerde. Il faut qu'on soit bien dans sa peau et c'est le principal. Et le jour où tu as compris que tu étais bien dans ta peau, tu perds tout seul. C'est tout. Tu es belle, tu es comme tu es et c'est tout. Eh ben voilà, exactement. C'est la première fois dans l'émission que je peux dire qu'une meuf est jolie. T'as vu ou pas? Ah, pour une fois qu'une meuf est jolie dans cette émission. C'est-à-dire? Ah, franchement, elle est très très jolie. Bah, Lara, elle est jolie aussi. J'ai dit dans l'émission. Bah oui, bah dans l'émission. Pas dans l'émission. Non, mais genre, mais du WhatsApp quoi, frère. Ouais, ah, du WhatsApp, bah voilà, dis du WhatsApp. Là, on n'en parle plus. C'est pas pareil. 23h23, on l'a raté. Vince, tu baises rarement dans le froid. Non, mais les gars, quand on va à la piscine, à un moment donné, quand il fait froid, je veux dire, on a tous. C'est un réflexe normal. Non, mais le truc, c'est que quand t'es pas complexé par ça, tu t'en bats les couilles, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le cas de le dire. Effectivement, on s'en bat les couilles complètement. Et donc, Tim, mon pote, bah voilà, toi, t'as eu un complexe de par rapport aux douches. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'accepter? Est-ce qu'il doit se dire, tiens, je dois aller dans sa sauna à poil, un truc dans le genre, j'en sais rien, c'est peut-être une technique. Hein. Mais oui, il y a deux choses de nouveau. C'est vraiment retourner dans cet événement-là et le reprogrammer, le reconstruire. Et l'autre chose, c'est effectivement le fait de passer à l'action, le fait de te sortir de ta zone de confort. Ça, tu, au bout d'un moment, tu peux réécrire des choses comme ça différemment. Si t'as honte de te mettre à poil, si tu te mets 10 fois à poil, eh bien, la 11e fois, t'auras plus autant peur que la première. C'est vrai, ça. C'est vrai, il faut oser. Parce que tu vas t'habituer. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il t'arrive rien. Quand on voit ta bite, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que il se passe rien, en fait. Et on s'en fout. Tu vas peut-être te rendre compte qu'on la voit pas. Imaginons que quelqu'un lui fasse une remarque. Il doit aussi essayer peut-être de travailler sa répartie, de prendre ça avec humour, peut-être. De dire, en tout cas, je. Il écrit ses blagues à l'avance. Si jamais on fait une allusion à son pénis. T'inquiète pas, les meufs sont satisfaites. Ouais, au pire, la pire punchline, c'est genre, t'as vraiment un petit pénis, Tim. Alors, t'inquiète pas, ta meuf, elle kiffe mon pénis. Voilà. Et tu vois, ça met KO, et c'est bon, et c'est fini, et on peut plus rien dire. Et voilà. Mais c'est pas évident, je crois que pour le comprendre, évident. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'attention que tu mets à ma bite, quoi. Ouais, c'est ça. Que tu ziotes le truc. Ouais, c'est ça qu'il veut dire, ouais. Oui, voilà. Parce qu'il répond pas, mais. Non, mais il répond pas, mais effectivement, que. Donc, Tim. Je suis là. Mais le truc, c'est de travailler sur la sensation qu'il a quand il pense qu'il a une petite bite. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu sens à ce moment-là? Quand tu te dis, ouais, on va me voir, j'ai vraiment une petite bite. Franchement, c'est compliqué à expliquer. J'ai vraiment l'impression de me voir, pas mourir, mais je me vois vraiment. Une honte. S'abaisser vraiment, le gamin qui s'en prendrait plein la gueule, quoi. Ok. Donc, ça te ramène quand t'étais petit au foot, c'est ça? Ah ouais, c'est clairement ça. Ok. Ce que tu fais, c'est que tu prends cette image-là. Ouais. Tu vas sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Zenrila, tu prends la vidéo 144, Attends, 144. Tu prends la vidéo 144. Putain, il a connu, et hein, ouais. Tu regardes cette vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'au moment où cette image là te fait pleurer. Un million de vues. Jusqu'au moment où cette image te fait pleurer. OK. Donc ça, c'est une manière de travailler. Voilà, la vidéo 144, c'est 10 minutes de séance. Tout le monde peut le faire. Hein. Ouais, tout le monde peut le faire, c'est 10 minutes de séance. Mais il faut vraiment comprendre que ce qu'il faut changer, c'est ce que tu sens. Ok. Et si tu changes ce que tu sens, si tu changes ce que tu sens, tout le reste va changer. Ok. Mais par contre, moi, j'avais juste une question. Est-ce que ton père, il est encore en couple avec ta maman? Arrête. Non. Ben voilà, ben tu vois, donc ça veut dire que c'est vraiment pas la taille qui compte, c'est vraiment comment tu t'en sors, je pense. Bah oui. Non, vraiment, du coup. J'adore l'allusion. Non, mais trouve une meuf, peut-être, ou que. Ben son trou sera peut-être adapté à ta bite, et voilà, quoi. On t'entend pas bien, Tim. On t'entend pas, en tout cas. On te fait un bisou, mon pote, et n'hésite pas, vidéo 144, Zenrila. Ah ben là, on t'entend mieux. Dis-moi vite. Tu peux te dire un truc? Ouais, mais je t'entends vraiment pas bien, mais vas-y, essaye. Là, tu m'entends mieux. Vas-y, on essaye, vas-y. Franchement, Zenrida et toi, vous faites vraiment la bonne équipe. Autant on peut se marrer toute la soirée avec vous, autant il y a des trucs super sérieux et je pense que ça va vraiment bien me servir. Merci à vous, à toute l'équipe. Bah, c'est merci gentil, Tim. Merci, c'est cool. On va le ramener plus souvent, Zenrida. C'est vrai que c'est cool. Non. Ouais, franchement, c'est pas sympa. De toute façon, il est indisponible pendant 2 mois. Après, ça fait du bien. Je pensais que t'allais dire, de toute façon, il est indisposé pendant 2 mois. J'ai une grosse règle. Allez, bisous, Tim. Et merci, mon pote. C'est cool. Dégueulasse. La gueule. ferme ta gueule. Allez, merci. Au revoir. Va acheter des capotes spéciales pour les 5 cm. Au revoir. Quel abus, quel abus. Alors Vince, pour ma part, j'ai toujours été grand et massif depuis mon enfance, donc lourd. Ça a toujours été frustrant pour me fringuer pour certains sports. Et la sensation d'être hors norme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie de positiver sur l'aspect avantageux de mon physique qui impressionne certaines personnes, notamment ma copine, qui se sont rassurées n'importe où à mes côtés. Voilà, message qui est envoyé par Geoffrey. Je sais pas si t'as déjà vu, mais il y a un gars qui a pas de bras, qui a pas de jambes et qui fait des conférences. Et oui, tout. Si, il est connu, ce gars. Électrocuté. Je le suis sur YouTube. Il a perdu ses membres. Il y a d'autres filles qui sont vraiment pas très à leur avantage, et c'est juste dans la tête. Et un truc que je dis souvent, c'est la vie, elle est. Tu vois pas la vie, elle est pas comme elle est. La vie, elle est comme tu la vois. Et ça veut dire que c'est une paire de lunettes que tu peux changer à tout moment de ta vie. Donc si tu vois négatif, tu peux l'avoir positif d'un coup. Il faut juste y aller, il faut juste le faire. Merci Zenrila. Toujours les très bons conseils, et je vais vous dire très honnêtement, t'es mon pote, mais tu m'as beaucoup aidé. Je le dis aux auditeurs qui m'écoutent, qui peuvent se dire ouais, mais bon, le gars il parle, et ses conseils fonctionnent vraiment, puisque voilà, on a tous des trucs où on doit s'améliorer. Et par exemple, je me souviens qu'il y a des années de ça, j'en avais déjà parlé dans cette émission, je crois brièvement, j'avais un problème. Alors j'avais pas de problème pour m'exprimer devant un petit public, devant un plus ou moins un grand public, mais dès que c'était dans une boîte de nuit, il y avait 1000 personnes, j'avais peur de. J'avais besoin de lunettes comme Maître Gims. Maître Gims porte des lunettes pour se protéger du public, parce qu'il veut pas que le public voit dans ses yeux. Ils sont mal si jamais le public voit ses yeux. DJ Snake a le même problème, des grands artistes. Hein. Et ben moi c'était pareil. Et je me suis dit, mais putain, il faut pas me dire, je vais devoir porter des lunettes toute ma vie pour monter sur scène. Quand j'avais pas de lunettes, triste à dire, mais j'avais besoin de voir un petit verre de champagne pour être désinhibé et que ça aille mieux. Et ben avec René, ça a pris quelques minutes. Voilà, ça a été une fois. J'ai eu une soirée le lendemain et je me suis retrouvé à un moment donné devant 10 000 personnes, un jour 20 000 personnes sur scène, à mixer, à animer et tout ça. Et je ne ressens plus aucun traumatisme de devoir parler à un public. C'est incroyable. Tout simplement parce qu'il m'a fait changer la perception de quelque chose qui était vraiment bête, en fait. Je me souviens même plus c'est quoi. Ouais, moi je t'ai juste guidé. C'est ton inconscient qui l'a fait tout seul, quoi. Ouais, je me souviens même plus c'est quoi pour te dire. Alors qu'avant c'était, je savais pourquoi je pouvais pas et parce que ça me stressait. Ben là, je sais même plus. Tu commences à te donner des excuses, à te donner des raisons. Mmh. Et tout ça, c'est la merde que tu te dis à l'intérieur. C'est que des conneries. Tu peux te sentir comme tu as envie de te sentir à tout moment et n'importe quand. Et c'est quoi ton Facebook? Voilà, c'est Zenrila.be. Zenrila et Zenrila sur YouTube, voilà. Sur Facebook. Zenrila, si vous le ratez, demandez-moi c'est quoi sur WhatsApp et je vous envoie la formation 0492 222 002. Les amis, on arrive dans quelques instants sur Énergie. Je vous rappelle, je vais vous passer un moment là qui était extraordinaire. C'est le kiff ta copine Logan qui a appelé Jason là. Si vous avez raté ce moment, préparez-vous, préparez des mouchoirs, vous allez pleurer de rire, préparez vos abdos aussi. C'est le moment de les travailler. On arrive tout de suite sur Énergie. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique, chaque samedi soir dès 21h. Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. I have to try. I can feel it in my bones. There's no more life. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember. Don't hold back. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold me back any longer. Sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. So don't hold me back any longer. Tried and tried. No interest is shown, but I'm not the type to leave before the dawn. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold me back any longer. Sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. So don't hold me back.

Moi, je suis chez Logan, moi, je m'appelle Vincent, voilà, et c'est tout. Ouais, Vincent, bouge pas, j'arrive, Vincent, je prends la voiture. Mais tu vas faire quoi? Moi, j'ai rien fait, dans cette histoire, moi, je suis juste là, je... Qu'est-ce que tu parles de ma meuf? Toi, tu connais ma meuf, toi, t'es bah, qui, moi, je parle pas, moi, je suis juste témoin, il y a Logan, il... c'est pas ta meuf à... c'est pas... arrête des couilles, c'est pas ta meuf à toi, c'est la meuf à Logan. Mais, bien sûr que si, c'est ma meuf, arrête des crasses, tu la connais même pas, vas-y, je sais même pas pourquoi je parle avec toi, vas-y, parle pour Logan, dégage. Bah, le truc, c'est que si c'est ta meuf, alors, faut te poser des questions, frère, parce que, voilà, ça a pas l'air d'être vraiment ta meuf, tu vois ce que je veux dire. Elle a l'air de plus kiffer Logan. En plus, arrête le... Putain, Logan, vas-y, je te le repasse. Putain, en plus, là, tout à l'heure, quand vous avez Ken avec, avec sa meuf, là, putain, c'est... vous avez fait du bruit et tout. Je vais le défoncer. Je te jure, je vais le défoncer. Logan, ouais. Mais de toute façon, tranquille, tracasse. Ouais. T'es chez toi, j'arrive, là. Je descends, j'arrive. J'arrive, on est entre potes là, on va même pas te parler, c'est bon, j'arrive, je te dis, je prends les clés, c'est bon, je me casse, toujours t'as tout foutu en l'air ou quoi, putain, t'es, tu m'as rien coupé comme ça, c'est bon, t'inquiète pas, j'arrive, toi-même t'as brisé ton couple, j'en peux rien, c'est la descente, arrête de parler, putain, elle sort des couilles, tu te casses les couilles, elle vient de sortir de la douche, là, putain, elle sort des couilles, ferme ta gueule, attends, mais Jason, si la touche, là, si tu veux, c'est qui le gros pédé qui rigole derrière, là, bah c'est Emily là qui rigole, hein. Putain, vas-y, passe à moi, passe à moi, passe à moi. Non, je vais pas lui parler. Émilie, c'est ton mec au téléphone, tu te le passes? Je peux lui parler à lui. Prends le téléphone, putain! Tu veux pas lui parler? Non! Et vas-y, je te jure, sans déconner, mais là, putain, elle est quand même en folle. Je veux pas lui parler. Mais pourquoi elle peut pas en parler? Qu'est-ce qu'elle? Elle est sérieuse ou quoi? Il y a un truc qui va pas, elle veut pas en parler, elle suit quoi elle? Mais gros, je t'ai expliqué, c'est fini entre vous. Je pense que maintenant, il y a. Arrête tes conneries, ferme ta gueule, Logan, arrête, vas-y, passe à moi, vas-y, oublie, passe à moi, je te dis. Elle veut pas parler, gros, elle veut pas. Et je m'en fous qu'elle veut pas parler, tu me la passes, gros, toi, putain. Oh, il me dit chaud. Elle a dit que je baisais mieux que toi. Ah ouais, vas-y, c'est bon, j'arrive, laisse tomber, vas-y, c'est bon. Bah, vas-y, allez, c'est bon, casse-toi. Je me casse, ferme ta gueule, c'est bon, j'arrive. On est entre potes, là, on fait soir entre potes, on n'a pas besoin de tuer. Je m'entends, je vais la niquer, ta soir entre potes. Sans déconner, je te jure, j'arrive. Vas-y, c'est ta copine que je vais niquer, là. Vas-y, je m'entends, je te jure, j'arrive. Vas-y, c'est bon. Non, vas-y, c'est bon. Mais non, mais le gars, on a encore la même. Non, mais le sortir, avec tes petits coups de pute et tout, c'est bon, c'est pas la peine, arrête, vas-y, c'est bon. C'est bon, vas-y, je m'en tape. Je prends la route, sans déconner, regarde, laisse-moi le temps de faire là, je te jure, je suis en passé toi, t'as intérêt à ouvrir. Je te jure, t'as intérêt à ouvrir, sinon c'est pour ta balle. Encore une fois, avant qu'il vienne. Bah ouais. Arrête de gueuler, prends le téléphone, il vient me parler, putain, tu me casses les couilles. Elle veut pas te parler, gros, c'est fini, ça. Tu dois comprendre maintenant. Mais non, arrête tes conneries, putain, mais vous me cassez tous les couilles sans déconner. Je vais me demander si vous faites pas exprès ou quoi. Allez tous faire, vous êtes des gros connards. T'as un enculé, donc franchement, t'as un gros enculé. Un enculé, ouais, je vais être là, vas-y, ferme ta gueule. Et tu vois, putain, qu'elle ferme ça, qu'elle te gueule derrière, qu'elle prend le téléphone, elle me casse les couilles, putain. Émilie, habite-toi un peu quand même, il y a des potes qui sont là, quoi. Ah non, nous, on s'en bat, nous, on s'en fout, on joue à la combat PS, là. Putain, non, sans déconner, gros, je vais péter les plans. Allume ton wifi, j'ai envie de jouer Ultimate Team. Non, mais dis qu'il ferme sa gueule, mais son wifi à la con, ferme ta gueule, vas-y, oublie-moi, pars-toi, putain, ferme ta gueule, oublie. Avec moi. Bah, hey, toi, vas-y, prends-lui directement le téléphone et dis-lui la vérité, toi. Non. Ouais, bah, c'est la grande ou quoi, prends le téléphone, Emily, putain, tu me caves, là, sérieusement, prends le téléphone, vas-y. Allô. Ouais. Ouais. Et bah, c'est quoi le délire, qu'est-ce qu'il te prend, putain, tu dis à Logan, ça va pas ou quoi? Quoi, d'où, quoi, qu'est, quoi? T'es qui toi? T'es pas Emily, c'est qui toi? Quoi? Moi je suis pas Emily! Non, t'es pas Emily, t'es qui toi? Non, t'es qui? Vas-y, pas elle, je sais rien, j'ai pas envie de t'écouter. Non, t'es qui? Oh, je suis un pote à Emily! On est deux, c'est tout! On est deux, on s'est fait quatre par deux gars! Toi t'es pas Emily! Ferme ta gueule, sans déconner, ferme ta gueule parce qu'on est Emily, vas-y! Non, ça passe pas! Elle veut plus te parler! Mais je m'en tape, qu'elle veut plus te parler! Je veux une explication, je m'en tape, vas-y, Logan, prends la, vas-y, ça me garde! Ouais, prends-nous, Logan! Allez, ben j'arrive. Je te passe Emily. Ouais. Passe-moi Emily, grouille-toi. Passe-moi Emily, vas-y, je suis sérieux, sans déconner. Ouais, Jason. Eh, sans déconner, vous foutez tout grave, putain, allez. Non, c'est notre copine. Ça peut aussi Emily. Vas-y, Jason, ma mère m'appelle Emily. Je t'en demande Emily, vas-y, arrête de conneries. Jason, sur ma carte d'identité, écrit Emily, la vie de ma mère. Ouais, déjà, c'est pas la vie de ma mère, donc on le voit, casse-toi. Passe-moi Logan. Est-ce que dans ma carte d'identité sur FaceTime, je m'appelle Emily, wesh. Je m'en tape que tu t'appelles Emily, je m'en bats les couilles. Passe-lui Logan. Moi, je peux parler à Emily avec qui sort ma copine à moi, j'en ai rien à foutre. Eh, vas-y, tiens, attends, je te donne l'autre Emily encore. Allô? Allô? Allô? Allô? Jason? C'est Emily? Vas-y, parle-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Jason! C'est ton gamin, Je m'appelle Emily, j'ai des horaires et tout, je m'appelle Greg aujourd'hui. Rigole, vas-y. Jason, arrête de t'énerver comme ça, bon sang! Ouais, c'est le malin. La dernière fois, tu m'as pris, j'ai pris cher! Oh! D'ailleurs, promets ton pont, s'il te plaît, dans l'armoire! Allô, Jason! Ferme ta gueule, arrête! Jason, en fait, je vais te dire un truc! T'es sous énergie! Ferme ta gueule, passe-moi le local, vas-y, Rousseau! Jason! T'es sous énergie! Non mais Jason! Mec! Jason! Logan, passe-moi Logan, arrête de me parler! Tiens, vas-y Logan, dis-lui! Il comprend plus rien! Je suis là, Jason! C'est une blague, t'es sur énergie, mec! Mais ouais! Allô, bonjour Jason! Toi. Mais je m'appelle Vince, ouais. T'es sur énergie, la radio, on t'a fait une blague. Il y a ta meuf, elle est pas avec nous. Mais Logan, non. Il t'a fait croire, c'est le kiff ta copine. Et c'était une blague. Il y a rien de vrai. On est à Bruxelles. Non, c'est pas vrai, Jason. Genre, moi, je suis vraiment dans mon code. Ta copine, elle est vraiment malade. T'inquiète, tracasse. Il y a rien de vrai. T'inquiète pas. On a perdu Jason. Non, enculé, sans déconner, t'es un enculé. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. J'ai acheté une machine jetable. Soi-disant, tu peux la nettoyer, mais tu peux pas enlever les plaques. Ah, ouais. Ah mais moi, j'avais un mixeur comme ça. Eh ben, j'ai dû le jeter. Mais qui t'a posé la question? Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès lundi, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Et c'est parti pour le son de Marshmello sur Énergie avec le single qui s'appelle Happier. On arrive dans quelques instants, ne bougez pas. Merci d'être connecté comme tous les soirs. Eh, c'est le week-end, on va se poser, on est bien. Alors, oh là là. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. So interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. En marée dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 0492 222 002. 0492 222 002. Et je voudrais que tout le monde fasse un tonnerre d'applaudissements pour cette émission, mesdames et messieurs. Encore une émission emballée, pesée. Merci à Zenrila qui était avec nous. J'espère que t'as kiffé l'émission, Zenrila. On a appris des choses hein, ce soir, je tiens à le préciser. Avec plaisir, on s'amuse, moi j'aime bien. Et juste un truc, c'est quoi encore ton Facebook? Zenrila. Zenrila. Zenrila, vous me trouvez. Z-E-N-R-I-2-L-A. Exactement, Zenrila, les amis. Allez checker ça sur YouTube même. Vous êtes tombés sur des vidéos très intéressantes. Puisque quel est ton rôle du thérapeute en. Spécialiste en spécialiste en transformation de stress. Voilà, c'est ça. Et plus que ça même. Hein. Bah ouais, moi j'aide les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Moi c'est mon kiff. Sérieux? Ouais. Et du coup, si on veut te voir en privé en dehors de tes vidéos, on fait comment? On me cherche sur Zenrila, on m'envoie un mail, info@zenrila.be, ou on m'appelle au téléphone et alors on prend un rendez-vous. C'est okay, aussi parfait. Simple que ça. Et alors ça peut se faire en direct, mais ça peut se faire par Skype aussi, c'est pour ça que je travaille avec les gens de l'étranger aussi. Ah, c'est bien dit. Les gens ne sont pas obligés de se déplacer jusqu'à toi, quoi. Et je travaille même en trois langues. Sérieux? Arrête, espagnol, toi, je sais, ouais. Français, espagnol, anglais. Parfait. Et ça c'est magique. Les amis, par contre, je suis triste d'annoncer ça, mais j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Ouais. Ouais. Bah écoutez, parfois, dans cette émission, il se passe des moments où on annonce des mauvaises nouvelles. Sachez-le. Non. Le téléphone WhatsApp est décédé. Oh, il a perdu ses os. Non, il est décédé. Il ne redémarre plus. Dès qu'on l'allume, bah il se réteint. Mais quoi, c'est parce qu'il y a trop d'auditeurs? Oui, en fait, je crois qu'il y a le fait de l'utiliser comme ça tous les soirs depuis le 27 août. Eh ben, le fait d'avoir chaque jour des messages, ça a péter le processeur ou je sais pas très bien. Donc dès qu'on l'allume, il s'éteint. Donc malheureusement, les amis, heureusement que ça se passe un vendredi. Ça aurait fait chier que ça se passe un lundi, je vous avoue. Et alors on a tenté de le réanimer. Vous avez tenté de lui faire du bouche à bouche. Ouais, on a essayé. What's up, Ides? Voilà. Vous avez tenté de titiller son USB. Oui. Massage cardiaque. Toi. Voilà, l'USB, bitch, ça n'a rien donné. Et donc du coup on est dans cette situation, le numéro WhatsApp ne fonctionne plus. Donc on est coupé du monde, on est coupé de WhatsApp les amis. Je sais que vous essayez d'envoyer des messages. Ah, ça arrivait mais ça va se réteindre de nouveau, c'est ça? Oui. Tout à fait. Voilà, j'ai reçu une petite note vocale qui est arrivée. Je sais pas si tu vas aller écrire les messages. Ah merde, attends ouais, parce que du coup là c'est allumé. Là il est allumé mais il va se réteindre tout de suite. Donc là on a les messages. Je sais pas si tu vas lire ce message mais je suis très triste. Parce que moi je t'agresse avec les messages, je suis désolée. Mais voilà. J'espère que tu le liras. Ah, bah voilà, c'est lu, c'est fait. Et c'est vrai, parce qu'elle nous a dit plus haut, Zenrila est une personne très apaisante par la radio et encore plus en vidéo YouTube. Voilà, merci à la personne qui nous a envoyé, je vous kiffe. Merci beaucoup. On est déconnecté de nouveau, je crois qu'on va déconnecter de nouveau du WhatsApp, les amis, mais en tout cas, c'est votre faute. Hein. En même temps, c'est la fin de l'émission. J'arrive le téléphone. T'as dit quoi, toi? Rip le téléphone. Ah, le téléphone, du coup, j'ai pas compris. Envoie-le-moi à Smart Doctor. Alors, rip ton téléphone, ouais, ok. C'est ça, ouais. Rest in peace, en fait. Exactement. Ou alors, tu peux dire REP, alors REP, hein, repose en paix, tu vois. On le dit, ça? Bah, REP. Tu l'as déjà écrit? Bah, j'ai déjà écrit REP, ouais. Moi, quand on dit REP, ça dit réponds, connard. Réponds, ça veut dire crève, en fait, tu vois. Repose en paix, dans le délire, en tout cas. Mais. Moi, je peux dire merci, je voudrais dire merci à Alain Delcourt, Alexa Kowalsik et Rocco Legrand qui viennent se connecter à ma page. Mais pourquoi tu donnes les noms de famille? Parce que j'ai envie et je t'emmerde. Ok. Voilà. Et allez. Point. Et c'est comme ça. Bon, les amis, on va vite changer. Vince, c'est à cause du fait que t'as trop vu le cul de Damien, que ton GSM est décédé. Ouais, je pense bien. On va essayer de changer le téléphone là pendant le week-end. Mais comment on va te contacter? Bah, via WhatsApp toujours. Hein, on va essayer de trouver une solution. Vince, Samsung app sur volume bas et power et home. Mais c'est pas un Samsung en fait, c'est un LG. Ouais. Voilà. Donc, déjà, le téléphone qu'on m'a refilé, c'est un téléphone qui a vécu. Mais alors là, avec le WhatsApp, ça a été encore pire, malheureusement. Bon les amis, tout de suite on va se mettre en mode extravadance. Mais comme vous pouvez le constater, les platines ne sont pas en studio. Ouais, c'est vrai. Donc du coup je dois débrancher les platines dans le studio, les brancher ici, on s'en est pas aperçu tout de suite hein. On était tellement dans l'émission. Donc ce qui veut dire Nigel que je te donne le... Voilà, tu peux faire le mot de la fin ce soir là. Ah bah vas-y, ça marche hein. Pas pendant 10 ans de préférence hein. Okay, ça marche, vas-y on fait ça. D'accord, le temps que moi je ramène les platines et que je branche tout le bordel. Ça roule. Ok, ça marche. T'as dit quoi? Pourquoi on ramènerait pas les platines pour toi? Bah parce que vous savez comment brancher des platines. Si. Oui, non, mais quand vous branchez un système Serato, le raccorder à la table de mix, etc. Tu peux rigoler. Ouais, non, ça. Je vaut mieux que je le fasse moi, parce que sinon, je vais lancer Extravadance et j'aurai qu'une minute d'Extravadance, tu vois. Donc, voilà. Comme d'habitude. Nigel, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce soir, c'est bien parti pour être la même chose. Allez, j'arrive. Nigel, tu prends le relais. Yeah. Allez, viens te poser. Soyez pas étonnés si vous entendez Tiffany dire il est 1h alors qu'il est 1h15. Hein. C'est normal, hein. C'est parce qu'elle arrive dans l'émission, la pauvre, elle se dit bon, bah, il doit être 1h là. Elle se lance comme ça un petit peu à l'arrache. Vas-y, Nigel, prends le pas, installe-toi. Hop là. Voilà, formidable. Je te mets les petites musiques, je te donne le casque. Merci. Bon, on te la raconte pas trop parce que t'es installé là. Non, moi, y a pas de problème, tu sais, on prend jamais la grosse tête ici. Voilà. Et il a eu dur à mettre le casque. Hein, c'est hop bon. Là. Allez, c'est parti. Alors, Lara. Oui, bonsoir. Que vas-tu faire ce week-end? Le week-end. Sérieux, tu réfléchis vraiment comme ça longtemps? Pourquoi y a ta main qui tremble, Nigel? Ma main qui tremble? Non, moi je suis pas. Hey. Non, regarde. Regarde. Lève tes doigts. Non, repose et tu laisses les doigts levés là, un peu, ceux-là. Ceux-là? Voilà. Non, mais ça, c'est normal ça. Comment ça c'est... Non, mais ça, c'est ça, je l'ai toujours eu, c'est juste que voilà, je suis tétraplégique. D'accord. Ah, je rigole. Oh, je rigolais. Si qu'elle est là, c'est le cas. Hein. Ok, parfait. Merci. C'est un peu fort là. Non, là, on va galérer, Vince, fais vite. Hein. Comment? Ah, c'est comme ça maintenant? Non, comment, on te soutient, frère. Bon, tu vas faire quoi ce week-end-là? Je vais faire certainement des sessions de musique. Des sessions de musique? Oui, tout à fait, des sessions de studio, très intéressantes. Tu es productrice? Je suis productrice, tout à fait. Ah d'accord, excellent. Merci. Tu vas faire quoi, Eddie? Alors, personnellement, je dois fêter à Saint-Nicolas de mes neveux, tout ça, tu vois. Ok, je vais faire le père fouettard. Ouais, c'est ça, je vais faire père fouettard là-bas, quoi. Et toi, Thibaut? Je vais travailler tout le week-end dans un bar. Ok, voilà. Toi Zenrila? Hein, mais moi je vais bosser parce que je me lance dans une nouvelle activité et j'aide des entrepreneurs à se lancer. Donc s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer ou des gens qui veulent se lancer, qui me contactent aussi. Et toi? Ok, d'accord. Bah écoute, moi ce week-end, je pense que je vais me reposer, je vais étudier. Je vais étudier parce que voilà, enfin j'ai des examens à passer là, et donc ouais un peu une petite semaine blocus pré-blocus, et donc voilà, donc si vous voulez me rejoindre et suivre ma galère sur Instagram, c'est Nigel Sanchez_. Donc MIGELSANCHEZ underscore. Bah, il est où la nageuse là? Du coup là, je peux même lire. Je peux même lire vos messages sur WhatsApp. Il y a Geoffrey qui m'envoie son cul. Oh putain, quel cul dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais. Mais en fait, il y a beaucoup d'auditeurs moches. Hein. Ils sont vraiment moches. Nageuse est de retour, merci. Ils sont vraiment moches. Déjà, vous me critiquez sur mon Instagram. Contre, attends, je voulais juste te dire un truc. En fait, Vince, il t'a mis à cette place-là juste pour que tu lances le mot de la fin. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non. Pas pour que. Un truc plus simple. Vas-y, dis-nous. Ça va être toi le mot de la fin là. Le moi? Ouais, tu. Ah d'accord, vas-y. Sera. Bien. Vu que t'as gagné cette semaine, pour ouais, une fois. C'est ça. Hein. Ben, tu pourras lancer le mot de la fin. T'as une bonne idée. Attention, je réfléchis. Je n'ai pas du tout d'idée. C'est vendredi, il est minuit 5. C'est très très dur. Un petit. Ouais, un petit. Ouais. Un expert, un moyen ou un facile? Je sais pas, comme la bite de Tim qui est passée tout à l'heure. C'est dégueulasse. Pour préciser, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un auditeur qui est passé à l'antenne et qui a dit qu'il avait un micro-pénis. Voilà. Le Nigel Show. Ouais. Ok, d'accord. T'as ton mot? Oui. Thibaut? Merci. Non. Froid. Mais attends, c'est un mot petit de taille ou alors c'est un mot. Bah, c'est un mot petit de taille, ouais. Ouais, ok. Proposé. J'ai donné un indice, normalement je dois pas dire. Ok, mais c'est un sport. Sport. Froid. Est-ce que c'est un objet? Froid. Zenrila, tu peux jouer. Un verbe. Froid. Aider. Et merci. Bah, toi, tu passes ton tour. Une technologie. Une technologie, froid. Manger. Froid. Ok. Froid. Au revoir. Froid. Une idée. Froid. Consonne. Froid. Enfin, console. Il y a une consonne dedans, mais. Une console. Froid. Froid. Ah. C'est un nom commun? Oui, c'est obligé, c'est un mot de la fin. Enfin, je veux dire, oui, moi je fais pas des trucs avec des Amazon et des trucs. Hein. Oh. On te loupette. Non, c'est pas Vince, c'est Lara. Donc c'est très simple et en même temps, il faut un peu que ça se casse dans la tête. Vas-y, connecté avec la nourriture? Non, tu dois te proposer juste un mot. Ah, d'accord, une pomme. Froid. Et d'ailleurs, si vous voulez participer sur WhatsApp, 0492 222 002. Il a trouvé le bouton, j'adore. À toi. Thibaut. Nourriture. On a déjà dit, tu passes ton tour. Ah, tu passes ton tour. Soyez un peu attentif. Insecte. Froid. Est-ce que c'est la nuit? Froid. Jambe. Froid. Allez, Vince. Ah, Vince, à toi. On cherche un mot. Tout est installé, donc je peux lancer Extravadance. Merci. Allez, le mot de la fin, ça revient lundi. Non, j'ai connu. Qu'est-ce qui est chaud? Il y a rien qui est chaud pour l'instant. Il faut que tu nous aides. T'as un mot en tête. Ok, moi je vais te dire verbe. C'est déjà dit, mais froid. Froid. Ok, zut. Ouais. Zemrila. Auto. Froid. Une tortue. Froid. Une abeille. Froid. Mais pourquoi vous dites des mots précis? Déjà, ratissez large. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'arrive. Des thèmes quoi. Mais j'arrive pour ratisser large. Ah. Je vais dire fiction. Froid. Ok. Instrument. Froid. Livre. Ça peut se réchauffer un petit peu. Ah bon, ok, très bien. Personne. Ça peut aussi un peu se réchauffer. Un habit. Froid. Personnage. Froid. Bon, personne, produit. Syllabus. Ouais. C'est chaud. Oh. Ah. Attends. Alors, les mots qui sont chauds, c'est syllabus. Livre. Et personne. Et personne, ouais, ok. Étude. Chaud. Blocus. Chaud. Je dirais. Examen. C'est chaud, c'est dans le même champ lexical. T'as chaud. Attends. Session. C'est chaud. Ok. C'est dans ce monde-là. Allez, d'accord. Hop, on va essayer de faciliter l'histoire. À toi. Un mémoire. Oui, non. Qu'est-ce qu'on avait avant? Blocus, examen, livre, syllabus. Livre et personne. Personne. Ouais. Syllabus. Allez, hop. À toi, Thibaut. Étudier. Oui, c'est très très chaud. Blocus, c'est étudier ou concentration? Non, là on s'égare. Ah, merde. C'est pas facile. À toi. Résultat. Non, c'est pas de ça. Revenez à ce directeur. Qu'on... Voilà, oui, il y a un directeur, bien sûr. À toi. École. Ah. Voilà, méga chaud. À toi. Ok, c'est bon, je crois que j'ai. Scolaire. C'est chaud. Lycée. C'est chaud, c'est très chaud. Professeur. Allez. Oui, c'est chaud aussi. Université. Voilà. Ouais, attends, c'est putain, je pensais que je l'avais. Voilà. Là. Ça faisait 10 ans que j'attendais on pour le placer. On est dans le sens du truc. Université. Ah non, je sais, une faculté. C'est bon, j'ai une faculté. C'est très très chaud. Je l'ai, je sais que je l'ai. C'est cool là, je l'ai. Ah putain, j'adore ce jeu. Et là, tu dois attendre que ça fasse. Ah putain, gourez-vous. Allez, à toi Thibaut. Allez. Oh non, pas garde. Allez, ouais, allez, oui, j'ai le mot. À toi, dis. Matière. Non, c'est froid. Le dis pas toi, Nigel. Trompe-toi. Il a un regard vide. J'espère que je l'ai, je croise les doigts. Stylo. C'était très très froid. Ok, Académie. Non. C'est pas ça. Bah, mais c'est brûlant de ouf. Le plus chaud, les amis, c'est université. Université. Oh, faculté, université. Académie. Putain. Mais voilà, c'est-à-dire que là, il faut aller chercher dans. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'université, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est?